Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement que j'effectue en compagnie de Berthod. Donc, vous pouvez voir présentement à l'écran ici David au micro qui vous salue. Donc, cette entrevue exclusive avec Berthod se déroule pour le mois d'août de l'année 2021 dans laquelle nous nous situons présentement. Et bien sûr, nous sommes toujours en pleine crise sanitaire en lien avec un virus qui a des répercussions mondiales depuis plusieurs mois, depuis un peu plus là, d'un an et demi. Et aujourd'hui, je vais amener entre autres Berthod à commenter la situation. Mais bien entendu, étant donné qu'il y a de plus en plus de censure sur le web, donc, ce que j'ai l'intention de faire dans un premier temps aujourd'hui, c'est que je vais poser des questions générales à Berthod en lien avec la conscience. Et par la suite, ce volet-là de l'entrevue va être disponible sur YouTube. Et par la suite, je vais poursuivre l'entrevue pour aborder, bien entendu, la crise sanitaire, où je qu'on en est rendu aujourd'hui, pour amener Berthod à commenter la situation. Mais cette partie d'entrevue sera réservée aux gens qui vont aller l'écouter sur le site de diffusion web d'Odyssey. D'ailleurs, j'ai présentement deux chaînes là, sur cette plateforme qui favorise la liberté d'expression pour commenter la crise, où on va justement la commenter. Donc, chaque chose à sa place, comme on dit. Et pour commencer l'entretien, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent que Berthod est rendu de nouveau avec une chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des vidéos qu'il fait. Il y en avait déjà une dans le passé, il y a quelques années, mais qui a été fermée. Et là, il a décidé d'en réouvrir une récemment. Donc, vous allez avoir ses coordonnées là en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Sinon, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai des chaînes sur YouTube dont vous allez pouvoir retrouver les coordonnées et également des chaînes aussi sur la plateforme Odyssey, comme je le mentionnais tantôt, qui vont être également affichées là, dans les liens qui vont figurer en bas de l'enregistrement. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur mes chaînes d'Odyssey, eh bien, je vous propose de le faire dès maintenant pour retrouver des contenus exclusifs que vous n'allez pas avoir ailleurs, là, naturellement. Donc, la mise en contexte est faite. Bonsoir, Berthod, ça va bien? Oui. Excellent. Donc, pour débuter l'entretien aujourd'hui, j'ai le goût de te poser des questions de type ouverte pour explorer certains sujets et regarder à travers qu'est-ce qui va émerger dans ta parole, la vibration qui peut s'installer à travers ça. Donc, ça va être des questions très générales, questions qui peuvent faire l'ouverture sur plein de choses pour t'amener à explorer différents sujets. Donc, tu es à l'aise avec la formule? Oui. Excellent. Donc, on va commencer. L'idée, c'est d'amener des sujets qui vont être propices à l'émergence d'une vibration. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que le génie? Le génie, c'est une fulgurance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne vient pas de l'ego, qui ne vient pas de l'intellect, mais qui est très, très clair. C'est comme quelqu'un qui avance très rapidement dans des recherches, comme un scientifique, si on peut dire. Mm-hmm. Eh bien, il va tout de suite avoir les idées, l'image ou le schéma va lui apparaître souvent d'un coup. C'est ça le génie. C'est juste de ne pas avoir besoin d'un processus réflexif. Le processus réflexif, lui, c'est juste un support. Mais la vraie fulgurance, le fait de voir quelque chose de nouveau, c'est ça le génie. Et pour accéder au génie, à ce moment-là, si c'est pas de la réflexion, c'est lié carrément à de la captation vibratoire. Oui. Beaucoup de scientifiques fonctionnent comme ça, ceux qu'on dit des génies. Oui. Et ils sont pas obligés de le savoir que c'est ça. Non, exactement. Ça se peut qu'ils comprennent pas le processus, mais qu'ils soient géniaux malgré eux. C'est ce qu'on appelait anciennement de la fulgurance. C'est fulgurant. Ça apparaît d'un coup. Même tout un système peut apparaître d'un coup. Ben, d'ailleurs, on peut parler, par exemple, de génération spontanée. Oui. Donc, on a eu des civilisations qui ont apparu comme d'un coup. Là, si on pense à Sumer avec l'écriture, l'agriculture, à comparer d'autres civilisations qui ont émergé avec. Ouais, mais là, c'est pas pareil, là. OK. Ben, c'est sûr Le que. génie, c'est un Oui. individu, là. C'est individuel, le génie. C'est le collectif du génie, c'est par rapport à ce qu'on pourrait appeler là, ce qui est cosmique ou universel. Mais c'est pas un collectif social. D'ailleurs, le génie, habituellement, n'est pas très social. OK. Et est-ce que tu ferais un lien entre le génie et la créativité? Ben oui, c'est la même chose. OK, Ça revient au même. donc pour toi, le génie est nécessairement créatif. Ben oui. OK. Puis à présent, si je te pose la question, qu'est-ce que la folie? La folie, c'est une dissociation avec sa propre réalité. C'est-à-dire que l'être va être divisé en lui-même, un peu comme un miroir fragmenté. Et puis, il n'y a plus de repères. Puis là, il y a une perte d'identité. La folie, c'est une perte d'identité. Il n'y a plus de centricité. OK. Et comment faire la distinction entre le génie et la folie? Parce que il y a un adage qui dit que le génie est proche de la folie. Donc à ce moment-là, quel serait selon toi le critère pour faire clairement la distinction entre les deux? Le génie, souvent, qui va passer pour fou, c'est parce qu'il va y avoir des phases différentes. Dans le sens que, une fois qu'il perd le contact avec sa fulgurance, là, il sombre dans la folie, souvent. Mais aussi, ça peut être lié à un regard extérieur. Parce que le génie, vu qu'il n'est pas très, au niveau des forces sociales, il n'est pas très en appointance avec ça, il peut passer pour fou vu de l'extérieur. Comme par exemple quelqu'un d'excentrique. Quelqu'un, par exemple, qui oscille entre des périodes de fulgurance puis des périodes de maladie mentale, ça, c'est autre chose. La maladie mentale, entre guillemets. Mais ça peut aussi vouloir dire que cette forme de génie-là était liée avec une sensibilité. Donc, peut-être que ça peut être aussi autre chose, là. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent, par exemple, être maniaco-dépressifs, donc dans l'aspect maniaque, où ils sont très euphoriques, et ils vont être très créatifs, vont faire plein de choses, et ils vont être réveillés pendant plusieurs heures de manière consécutive, ils peuvent se mettre à écrire comme des fous, à créer, que ce soit la peinture, la musique, d'une manière endiablée, puis il y a le volet aussi effondrement, dépressif, où la personne s'effondre. Là, c'est parce qu'il y a une polarisation. La personne, elle va passer entre différentes phases qu'elle sait, puis qui vont d'un extrême à l'autre parce que la personne est très émotive. C'est de l'émotivité, là. Ce qu'on a appelé la maniaco-dépression, la bipolarité. Il passe d'un pôle à l'autre, mais c'est encore lié à une trop grande sensibilité. Parce que là, c'est plus ajusté. Oui, mais il peut y avoir des manifestations de génie, dans le sens que pendant la période de manie, la personne, elle peut être très créative, puis elle est plus impulsive, puis elle laisse circuler des choses qui autrement seraient bloquées par la réflexion. Oui. Mais il y a aussi des chevauchements là-dedans, à mes yeux. C'est-à-dire que la personne très sensible, elle peut capter quelque chose qui ne vient pas d'elle, mais qui ne vient pas nécessairement d'une universalité non plus. Parce qu'il y a des choses qui ont existé dans le passé, qui se sont perdues, qui peuvent revenir par quelqu'un de très sensible. À ce moment-là, c'est de la mémoire qui était oubliée. Mais ça peut passer pour du génie. Oui, parce que si c'était une mémoire qui n'est pas accessible à la civilisation actuelle, donc autrement dit, si c'est une mémoire qui provient de l'Atlantide, d'une civilisation disparue, ça peut paraître comme de la nouveauté ou du génie pour les gens de l'époque actuelle qui n'ont pas été en contact avec cette information préalable. Alors que la personne ne sert juste de canal pour une mémoire ancienne qui veut ressurgir. Mais là, à ce moment-là, c'est pas du génie au sens où moi je l'entends. C'est du chevauchement. Oui, dans ce sens-là, c'est pas du génie créatif. Non. Et sinon, pour ce qui est de la créativité, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui aimeraient développer davantage leur créativité? Si la personne veut des conseils pour développer sa créativité, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle est psychologique puis elle n'est pas marquée pour ça. Donc, autrement dit, par rapport au génie, la personne ne peut pas devenir géniale en faisant un travail sur elle-même ou en développant des compétences. C'est vraiment une question d'inné. Le problème du génie, c'est que c'est individuel. Donc, donner des conseils, là, qu'il faut que la personne apprenne à ne pas accorder d'importance à ce que pensent les autres, des choses comme ça, c'est juste ça. Mais là, si la personne ne le voit pas, ça veut dire qu'elle n'est pas marquée pour ça. Quelqu'un qui veut être plus créatif, ben là, est-ce que c'est psychologiquement ou parce que si c'est pour réussir socialement, c'est pas le même chemin. C'est pas les mêmes. Oui, c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que la personne veut développer de la créativité pour avoir un prestige social, une reconnaissance publique en faisant des films avec en gagnant des prix à Hollywood ou des trucs comme ça. C'est pas pareil que quelqu'un qui veut descendre une vibration là, et avoir une satisfaction intrinsèque à faire quelque chose, là. Parce que la vraie créativité, il faut d'abord pas donner d'importance à ce qui vient de l'extérieur, au niveau des influences psychologiques. Parce qu'il faut avoir un certain vide, il faut être réceptif. Donc, si c'est au sens de ce qu'on a appelé le développement personnel, ça, à mes yeux, ça aboutira jamais au génie. Donc, il n'y a pas de conseil à donner pour ça. À moins que la personne. On peut être marqué par la haute vibration de quelqu'un, mais ce ne sera pas des conseils. Mais ça peut réveiller des choses. Donc, autrement dit, le génie, ça serait déjà prédéterminé avant l'existence terrestre qui va être génial ou non. Donc, ça s'inscrirait dans le cadre d'un destin. C'est ça. C'est beaucoup lié. C'est pas juste lié. C'est ça. C'est pas vraiment une méthode pour être génial, ça se peut pas. C'est comme demander une recette pour capter de l'intelligence universelle. Il n'y a pas de recette et c'est justement qu'il n'y a plus de recette de sortir ça de la tête. Parce que dans le domaine artistique, par exemple, quelqu'un qui veut développer des compétences pour jouer un instrument de musique, on va lui montrer à faire des gammes, on va lui montrer si de la guitare faire des accords, on va l'exposer à certains types de musique. Il y a une stimulation qui peut être faite, qui peut être propice à des nouvelles associations entre des styles musicaux. On peut le voir, comme par exemple, la musique heavy metal avec la musique classique. Mais est-ce que, un peu comme pour la stimulation d'un enfant, il faut que la personne qui est prédisposée à devenir géniale baigne dans un certain environnement ou qu'elle ait accès à certaines ressources pour que C'est son. ça. Ouais. C'est vibratoire, mais là, la personne, si elle est réellement marquée pour ça, elle va apprendre toute seule. Elle peut avoir des bases, elle peut faire le conservatoire, mais quelqu'un qui est un extraordinaire interprète, par exemple, ben, c'est pas un génie. Un génie, ça compose. Oui, dans le sens que la personne peut être très bien pour reprendre les formes qui existent déjà, être virtuose pour l'interprétation, mais elle génère pas de nouvelles formes. Donc, autrement dit, toi, le mot génial, on peut le voir comme étant synonyme d'un initié qui amène quelque chose de nouveau, de différent. C'est ça. Il faut que ce soit nouveau aussi. Il n'y a pas de vraie créativité en dehors de ça. Sinon, c'est du bricolage. Et ça m'amène à te poser la question, est-ce qu'un individu qui passe à la conscience supramentale, qui est dite créative, devient nécessairement génial? OK, pourquoi? Parce qu'on peut rêver qu'on se réveille. Oh! Mais là, si je dis que quelqu'un passe à la conscience parce que quelque part, il vit un changement psychique. Ben oui, mais c'est comme quelqu'un qui découvre le spiritisme, puis des choses comme ça. Pour lui, il vient de passer d'un état de conscience à un autre. Mais pourtant, c'est pas le cas. C'est les formes qui ont changé, mais c'est la même sensibilité qui est exacerbée, puis qui a juste changé de pièce. Il n'a pas bâti une maison, là. Donc, autrement dit, les gens qui passent à la conscience supramentale, bien qu'ils vivent d'une singularité, une individualité qui pourrait être propice au génie, ne deviendront pas nécessairement géniaux. Ben non. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate. Dans le sens que les individus qui diffusent la conscience présentement, Ben, c'est certain que il y a des déceptions. Il va en avoir des déceptions, mais c'est un peu comme quelqu'un, là, par exemple, qui me suivrait, puis qui me pense que je suis extraordinaire, puis tout, mais ça fait partie de son évolution à un moment donné de se rendre compte que c'est ordinaire. C'est pareil avec tout, parce que c'est individuel. Oui, exactement. La personne peut te croire extraordinaire, peut-être même te croire génial. Ce qui serait génial, c'est quand ça devient ordinaire. Il faut que ça le devienne. Mais si ce qui est génial devient ordinaire, à ce moment-là, c'est une banalisation du génie. Le génie, pour lui, le génie devient normal. Ce n'est plus extraordinaire parce qu'il est dedans. C'est un peu comme quelqu'un qui, c'est comme quelqu'un qui change de niveau de vie. Il faut pas qu'il reste dans l'euphorie d'avoir amélioré son niveau de vie. Il faut que ça devienne ordinaire pour aller plus loin, plus loin, plus loin tout le temps. Oui, exactement, papa qui stagne. Parce que une des choses à comprendre de ça, c'est qu'il n'y a pas de maître. Il n'y en a pas. Si la personne ne surpasse pas ce qui l'a amené quelque part, ben ça donne quoi? Ça veut dire que la personne n'est pas capable d'aller par elle-même. Ça devrait devenir manifeste au niveau individuel. Il faut que ça arrête à un moment donné de tout le temps passer par quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. C'est un peu comme, il y en a un moment donné, il va falloir devenir sa propre flashlight pour arrêter d'emprunter la lampe de poche des autres. C'est comme ça que je vois ça. Oui, ben, il y avait Bernard de Montréal là, qui avait amené ce propos-là, donc qui a diffusé pendant longtemps la conscience supramentale. Mais le point, comme tu disais tantôt, en même temps, c'est un cercle vicieux parce que pour être génial, il faut être marqué pour ça, donc ça échappe au désir de l'ego. C'est sûr, il faut pas que ce soit un désir de l'ego. Il faut que ce soit une volonté. Le désir, c'est peu de choses, là, c'est psychologique, un désir. Tandis que une volonté, ça, c'est dans un mouvement qui est pas réfléchi. Une vraie volonté de voir quelque chose. Puis pour voir, il faut se vider des autres. Et on peut pas voir à travers tout le temps des lorgnettes, puis des lentilles, puis des. Sinon, ça déforme tout. Puis justement, le nouveau, c'est que ça devient de plus en plus clair. Quelque chose d'une fulgurance, c'est clair. C'est un peu comme un flash. Une élimination. Oui. Mais ce qui est complexe là-dedans, c'est qu'à un moment donné, l'individu doit plus avoir de main, doit être autonome, mais en même temps, il peut pas avoir une identité assez forte pour être génial s'il n'est pas marqué pour ça. Donc, c'est comme s'il ne peut pas avoir une autonomie totale, même s'il est conscient qu'il faut qu'il se détache des maîtres, puis des gourous, puis tout ça. Ben, c'est de brûler. Il va brûler. S'il y a de la pollution dans l'ego, elle va se brûler à force de déception. Puis c'est là que ça devient de plus en plus clair. Il faut être déçu de son maître, quitte à le haïr ou à se rendre compte que c'est un innocent au fond. Oui, autrement dit, la personne qui réalise les failles de l'autre, qui pouvait croire au départ génial, puis le mettre sur un piédestal, ben à un moment donné, à travers la désillusion, il dépolarise, puis il met fin à la période de lune de miel de l'âme que j'appelle ou qui va l'idéaliser, là. Parce que le but, c'est de se trouver soi. C'est individuel. Comme un exemple, quand on a eu des problèmes pour faire une entrevue, finalement, je me suis dit, ça me disait qu'il y avait une raison. Puis bon, fait que je suis allé dans. J'ai été écouter une vieille entrevue, peut-être des années 80. Puis il parlait lui, de location d'auto, puis la couleur de son linge. Puis c'était spécial, ça dure pas longtemps, peut-être 7 à 8 minutes. Puis, j'ai trouvé ça futile. C'était super brillant, c'était super intelligent, mais pour maintenant, c'est plus bon. Chaque chose en son temps, puis qu'est-ce qui peut C'est être ça. génial à une époque ne l'est pas nécessairement à une autre. Fait que c'est ça, il va falloir. On n'a pas le choix. C'est là que. C'est pas parce que je voulais voir ça comme ça, mais je l'ai vu comme ça, c'est plus ajusté à maintenant. C'est ça, et un maître, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on n'en a plus besoin. C'est plus ajusté, parce qu'il faut être dans son temps. Je veux dire, c'est le temps de l'individu. Exactement, le temps de l'individuation qui va être propice à l'émergence du génie individualisé. C'est ça. OK, je vais t'amener sur une autre piste. Qu'est-ce que l'éducation? L'éducation, c'est du conditionnement. Qu'est-ce qu'un symbole? Un symbole, c'est une forme qui contient de l'énergie. Qu'est-ce qu'une langue? Une langue, c'est une vibration factuelle puis formelle. Qu'est-ce que l'information? L'information, c'est de l'énergie qui prend forme. Qu'est-ce que la technologie? La technologie, c'est la même chose qu'une langue ou des symboles. C'est des outils, c'est des moyens pour transférer l'énergie, pour l'utiliser. Qu'est-ce que l'informatique? Ben, la même chose que le reste. Je veux dire, ça revient tout au même. C'est toutes des interfaces là, que je t'ai amené à te prononcer entre l'être humain, d'autres êtres humains, l'univers. Ben oui. Parce que un contenant, il faut qu'il y ait un réceptacle. Si on est des réceptacles, c'est pareil pour tout. On ne peut pas mettre de l'or en fusion dans un petit contenant de plastique. Ça prend quelque chose d'adapté. L'énergie, elle s'adapte. De force. C'est-à-dire le contenant de plastique qu'ils font, puis il y a un autre réceptacle en dessous. Oui. Et pourquoi, à l'époque actuelle, il y a des développements incroyables là, au niveau de la technologie, si on pense notamment à l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, l'identité numérique, c'est pourquoi que ça se passe présentement? Parce qu'il y a une guerre. OK. Et quelles sont les factions impliquées dans la guerre? C'est les anciennes régences de la planète qui achèvent leur cycle. Et c'est quelles sont les forces qui poussent derrière le développement de ces technologies-là de contrôle? C'est ça, c'est des rapports de force entre ce qui va surgir, puis ce qui sait qu'il reste plus de temps. Il y a une sorte d'obstination à vouloir conserver le pouvoir sur Terre. Et ces forces-là, est-ce que c'est les forces astrales ou retardataires là, que parlent là, des gens dans le milieu de la conscience supramentale? Ben, les forces astrales retardataires, je les vois comme des domestiques. OK. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs forces qui ont animé le passé de l'humanité. Il y a eu notamment la civilisation de Mu, la civilisation des Atlantes. Puis, il y a des gens qui vont affirmer que ces forces-là cherchent à travers l'époque présente, de reprendre le contrôle, de manipuler les gens. J'ai pas le choix de dire oui. Parce que c'est des formes peut-être inadéquates pour en parler, mais ça revient à ça. Derrière la forme, c'est ça pareil. Quelle distinction verrais-tu maintenant entre l'un des summums, entre guillemets, de la technologie, soit le développement de l'intelligence artificielle qui est le prolongement de l'informatique, et le génie? Ah, répète-moi ça. Je perds le fil. Il n'y a pas de souci. Quelle différence ferais-tu entre l'un des volets très importants du développement de l'informatique actuelle, l'informatique très poussée, ça donne place à ce qu'on appelle, entre guillemets, à de J'ai encore l'intelligence. oublié le début. OK, je vais faire une question plus simple. Ouais, c'est parce que c'est ça, parce que je perds la mémoire à mesure que tu parles. OK. Ben tiens. Attends, c'est quoi, tu disais juste le début. Ben, je vais garder ça plus simple possible. Non, non, juste répète juste ce que tu disais au début. C'est quoi la différence? La différence entre l'intelligence artificielle et le génie. Ah, ben là. Il y en a un que c'est de l'artifice, c'est un outil, puis l'autre c'est de la fulgurance. Ça vient pas du planétaire. Le génie, ça vient jamais du planétaire. Ça vient jamais de la mémoire. Tandis que l'intelligence artificielle, ça, c'est des outils d'une mémoire qui veut se maintenir à tout prix. Exactement. Je vais t'amener sur d'autres terrains. Qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation. C'est que ce qui voulait anciennement être à tout prix roi sur la Terre, qui a abandonné ce qu'il avait, veut être globalement roi sur la Terre. un contrôle total. Donc, derrière la mondialisation et le mouvement mondialiste, il y a une volonté de contrôle global. Oui. OK. En chevauchant toutes sortes de mondes faibles. C'est pas un hasard si nous avons comme dirigeants des gens de plus en plus médiocres, qui ont un ADN de plus en plus altéré, sont de plus en plus laids. Donc, quel serait l'agenda mondialiste? C'est une guerre de l'ADN. Une guerre génétique? Oui. C'est d'éliminer un certain type de génétique de la surface de la Terre pour plus avoir le contrôle une fois pour toutes, pour qu'il n'y ait plus de génie, justement. Il n'y a plus de fulgurance. Pour pouvoir contrôler, il faut prévoir. Mais ce qui est devenu tout à fait planétaire, qui se promène le ventre à terre, n'a plus accès. Puis ils ont peur. Ils ont peur que les grands boss reviennent. Parce qu'ils ont trahi leur mission. OK. Et quand que tu parles de eux qui ont trahi leur mission, tu fais référence à qui? Une planète expérimentale, c'est tout le temps sous régence. Un peu comme une gardienne d'enfant. Mais la gardienne, elle a trop voulu se rapprocher de. Elle a trop voulu être le boss de la maison. Puis c'est au point que ça s'est incarné, puis c'est mort, puis c'est devenu de la mémoire. Puis tout ce qui reste, un instinct de préservation animalien planétaire. Donc, autrement dit, la gardienne qui devait garder l'humanité n'a pas fait son travail. Ben non, elle fouille partout, elle vole les parents pendant qu'ils sont partis. Là, l'heure avance, les parents sont à la veille de revenir, là. C'est la panique. Et quand on parle des parents qui vont revenir, est-ce que tu fais allusion ici aux forces systémiques des êtres qui résident sur le plan éthérique? Ah, même, je pourrais pas donner de nom à ça. Le seul nom qui conviendrait, c'est ce que certaines personnes spiritualisées appellent Dieu. Parce que c'est une affaire de temps, c'est une affaire de cycle, c'est de quelque chose d'une autorité. C'est une autorité qui s'en revient, qui est sans faille. OK. Mais vu autrement, il y a des gens qui avancent l'hypothèse qu'il y a des êtres extraterrestres qui voyagent dans le cosmos, qui s'occupent du système local de la galaxie, vont éventuellement agir pour changer le contrôle qui s'exerce sur Terre, là, la gardienne, entre guillemets, là. Une autorité sans faille, ça va pas prendre des formes comme ça. Là, on est dans dans des histoires, OK. là. À mes yeux. Parce que justement, on pourrait dire que c'est justement les histoires que la gardienne nous conte pour nous endormir. Oui, parce que c'est sûr qu'on pourrait croire que, entre guillemets, des extraterrestres bienveillants, un peu comme des anges, qui éventuellement vont rétablir l'ordre par rapport à des forces, notamment, qui sont qualifiées de démoniaques, d'intraterrestres. Ben, ce qui arrive, c'est qu'ici, il y a du. Si. Comment je pourrais dire ça? Parce qu'on pourrait parler, là, des intelligences séraphiques, mettons. Bon, c'est ça qui s'en vient. Il y a eu dans le passé des intelligences comme ça, mais elles sont devenues trop proches de la matière et se sont corrompues. C'est ça, là, que je pourrais appeler un esprit de corruption. Mais il y en a d'autres qui sont restés, là, incorrompus, Ben oui, incorruptibles. ben oui, ben c'est sûr que si on prend la cosmogonie d'Urantia, il y a toute une hiérarchie là, avec différents êtres de nature là, cosmique. Mais c'est sûr que Non, je l'ai fondamentalement. jamais lu, ça, là. Moi, Je trouvais que ça coûtait trop cher. moi, j'ai survolé là, plusieurs milliers de pages, mais en d'autres termes, la dimension qui peut pas être corrompue, ça va être l'esprit, ce que certains appellent le double ou l'ajusteur C'est de ça. pensée, là. Exactement. Il y en a, ils appellent ça. Ils disent qu'ils sentent leur ange gardien, ben le double, puis ça faisait le même phénomène, la même chose. C'est comme. Comment je pourrais dire ça? C'est comme. Ce qu'on pourrait appeler le génie, c'est ce qu'on appelait autrefois une grâce. Ça revient au même. C'est juste le langage qui est différent. Oui. Qu'est-ce que l'art? L'art, Oui. ça dépend lequel qu'on parle. L'art avec un Par... grand A. Mais c'est quoi ça? C'est un mot Sais-tu les fourre-tout. musées, les affaires qu'il y a dans les musées, puis qui s'empirent tout le temps, puis c'est de plus en plus laid, d'une décennie à l'autre? Est-ce que c'est le grand cinéma là, qui fait pleurer ma tante? C'est quoi l'art? Moi, à mes yeux, l'art, c'est de l'inutile. Si on parle au niveau d'une appréciation de l'esthétique, OK. Mais là aussi, c'est des histoires conceptuelles de ci pis de ça, puis là, sur ça, à mes yeux, c'est de l'art, à ce niveau-là, c'est de la corruption de l'âme. OK. Mais si je te l'amène sur le terrain de l'esprit, c'est-à-dire l'art en tant qu'élément qui va apporter de la beauté à l'esprit, qui va l'égayer. Sur le plan de l'esprit, ben alors ça devient de l'intelligence. C'est tout. Là, ce qui est intelligent est beau. OK. Tout simplement, c'est comme ça peut être n'importe quoi, là, un petit oiseau. C'est beau. C'est intelligemment fait. C'est harmonieux. Même au niveau là, des couleurs, il y a tout le temps une harmonie, il y a des lois. L'art à ce niveau-là, c'est tout ce qui est harmonieux, qui suit des lois qui sont d'un ordre que je dirais là, cosmique. Là. Des lois, là. C'est un peu comme en hébreu, la loi, puis le vin, puis la loi, c'est le même mot. Comme il y a des cabochons, ils cherchent le Graal. S'ils se posaient avec nous autres, le Graal, le réceptacle de l'esprit. Si c'est d'avoir la capacité d'avoir une appréciation esthétique à ce niveau-là, ça c'est de l'art avec un grand A. Et à ce moment-là, tu ferais une distinction avec de l'art plus astralisé, si on peut dire. Ben, je n'ai jamais vu d'autre sorte de ce qu'on appelle de l'art, là. Tellement que c'est un milieu qui m'a intéressé, mais qui m'intéresse plus du tout, je suis dégoûté. Ouais, ben je peux très bien comprendre, là. C'est sûr que les énergies astrales étant très fortes en société, qui vont avoir un impact non seulement sur nos scientifiques, mais nos artistes aussi. Donc, la qualité des productions, est affectée, là, naturellement. Ben, c'est devenu de l'indécence, carrément. Dans le sens, il y a une appréciation aujourd'hui de la disharmonie, comme si c'était devenu de la perversion, l'art. Ben, aujourd'hui, c'est un petit peu comme dans le roman L'Anti-Héros, c'est tellement contradictoire où la laideur devient la beauté ou la beauté la laideur, là. Malgré qu'avec la vraie esthétique réelle, il n'y a pas d'inversion polarisée comme ça. Il ne veut pas y en avoir. Même. Les gens qui apprécient ce qui est laid, devant ça, ils vont quand même voir du beau. Il n'y a personne qui peut dire qu'un oiseau, c'est laid, peu importe lequel. Même s'il y en a qui on peut considérer comme laid, ça reste des machines extraordinaires là, au niveau du fonctionnement du corps. C'est difficile de. C'est ça de l'art. Dans le sens, il y a une vraie créativité, dans le sens que. Au sens de ce qu'on appelait anciennement la création. C'est ça pour moi le vrai art. OK. Et qu'est-ce que tu penses ou comment tu te situes par rapport au relativisme contemporain dans le domaine des arts où tous les gens vont dire, ben, les goûts, ça discute, c'est dans l'œil de celui qui voit. Non, parce que il y a des lois. Il y a des lois universelles d'harmonie. Donc ça, là, c'est juste du blabla intellectuel. Donc, autrement dit, pour toi, il y a une hiérarchie au niveau artistique en termes de production. Les œuvres ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité. Il y en a qui sont plus belles que d'autres en lien avec des lois. Ben, on est rendu à un temps où plus on recule, plus c'est beau, plus on avance, plus c'est laid. Parce que c'est sûr, ça suit la loi du cycle. C'est sûr que je comprends très bien ce que tu veux dire, là, quand on regarde, par exemple, des statues gréco-romaines, à comparer, des bâtiments, là, des années 70-80 en béton, là, c'est beaucoup moins beau, là, sur le plan esthétique, là. C'est qu'il n'y a plus cette notion-là. La vraie notion de sacré, c'est lié à l'harmonie. Mais il y a des gens qui veulent garder ces choses-là pour elles, qui ont décidé de corrompre ce qui était collectif, au sens là large, pour se garder les lois du vrai beau, comme un peu d'une façon égoïste. Ben, il y a des gens qui ont un élitisme en art, donc ils sont snobs, puis tu sais, ils évaluent que leur vision est supérieure à celle d'autres personnes. C'est parce que c'est là qu'on pourrait dire que c'est pas discuté parce que dès qu'il est inférieur à quelqu'un qui lui voit pas ça comme ça. Parce que dès qu'on s'hiérarchise, on baisse là, en fréquence. Celui qui se pense au-dessus des autres, il est fait. Peu importe dans quoi, peu importe comment. Donc, celui qui se croit supérieur aux autres peut justement, c'est ça, être pris au piège en se créant une forme, mais en même temps, il y a des gens qui se savent, par exemple, initiés. Mais ça, c'est pas pareil, là. Mais Ben. même là, si c'est pour être dominateur, là, puis se dire réveiller, puis décréter qui est endormi, puis qui l'est pas, c'est de la dominance. Puis ça, c'est pas bon. Ça veut dire la personne est dominée par des choses qui ont la même, qui sont semblables. Des choses, des vieilles affaires mortes qui veulent continuer à vivre à travers des gens qui. Sinon, qu'est-ce que l'éthique? Oh, l'éthique, c'est la justice. Dans le sens de qu'est-ce qui est juste au sens d'une justice. C'est ce qu'on pourrait dire de la morale, mais pas psychologique. La vraie éthique, là, c'est ce qui est clair. Mais qui n'a pas à se justifier parce que c'est clair. C'est comme des fois, on peut être endormi par le discours de quelqu'un, puis là, il arrive quelqu'un d'autre qui dit, moi, je trouve que ça n'a pas d'allure, puis là, tout le monde réveille que ça n'a pas d'allure. Ça, c'est de l'éthique à mes yeux. Parce que il a mis le doigt sur quelque chose qui n'était pas éthique. Mais c'est pas dans le but de prendre le pas sur un autre ou quoi que ce soit. Mais c'est tellement clair, ça devient tellement clair. De l'éthique, c'est justement, c'est de pas, dans le sens de pas nuire, au contraire. C'est tout. Mais de toutes les façons. Et ferais-tu une distinction entre l'éthique et la morale? Ben, c'est parce que les deux, c'est devenu des choses psychologiques. Alors, ce qui était très clair, que c'était un peu comme il a fallu graver dans la pierre, tu tueras pas. Tu fourras pas la femme du voisin. Tu voleras pas ton voisin. C'est pas normal d'avoir été obligé de graver ça. On le sait tout, ce qui est pas correct, puis ce qui est correct. Ben, c'est supposé être là. Oui, mais les gens sont pas tous des génies. Puis il y a des gens qui avaient besoin d'éducation par rapport à Pas besoin l'adultère et d'être un différentes génie. choses. Pas besoin d'être un génie. J'ai eu des chats, des chiens, ils savaient quand ils avaient fait de quoi, qu'il n'y avait pas d'allure. Mais il y a des gens qui sont tellement coupés de leur esprit, de leur source, sont tellement déconnectés d'eux-mêmes que sont obligés d'avoir des indications externes parce que leur regard est strictement tourné vers l'extérieur. Oui, parce que ça, c'est là qu'on voit que l'éthique, la morale, ça a été une compensation à quelque chose qui manque chez certaines personnes. C'est pas normal d'être obligé de faire des lois si précises, dire ça c'est correct, ça c'est pas correct. Les gens, c'est parce qu'il y en a, ils sont ceux autres qui sont corrompus. Dans le sens, dans le fond, quelqu'un de corrompu, il sait qu'il est corrompu. Quelqu'un de pas correct, il sait qu'il est pas correct. Mais il voudra pas se l'avouer à travers les autres. Parce qu'être correct, pas correct, c'est tout le temps lié à l'autre. Parce que l'autre est une représentation pour le rapport à soi, dans le fond. C'est comme là, quelqu'un là, qui passe son temps à jouer à des jeux vidéo, qui tire sur des silhouettes humaines, à chaque fois, il tue quelque chose en lui. Il s'éloigne de sa propre intelligence, de sa propre humanité. L'éthique, la morale, c'est bien subtil au fond, mais on en a fait des formes psychologiques, rigides, mécaniques, pour des raisons collectives. Mais c'est l'individuel, l'intelligence. Exactement. D'ailleurs, en lien avec ça, c'est sûr que j'avais déjà vu la définition que l'éthique, c'était quelque chose qui était en lien avec l'exercice de la conscience de l'individu, sa capacité de discernement individualisé, comme porter un jugement éthique qui est individuel, tandis que la morale, c'est de l'hétéronomie, c'est-à-dire se référer aux autres pour définir ce qui est bien ou mauvais. À mes yeux, ça revient tout à du pareil au même, quand même. OK. Parce que même les gens qui sont amoraux ou immoraux ou qui n'ont pas d'éthique, ils le savent. Ils le savent. Dès que de l'extérieur, ça commence à transparaître, ils deviennent agressifs. Mais ils le savent. C'est juste que l'être humain, il est quelque chose d'animalisé dans le sens social du terme. C'est là que ça vient brouiller tout. Mais parce que des gens, quelqu'un qui n'est pas éthique, s'ils sont plusieurs à pas être éthiques ensemble, ben là, tout d'un coup, ils vont y aller dans ce mouvement-là. C'est comme ça qu'il y a des mafias, c'est comme ça qu'il y a de la collusion, c'est comme ça qu'il y a de la corruption. Parce que c'est des forces animales planétaires qui se sont psychologisées. Et ça crée comme un voile qui coupe l'individu d'une partie de lui-même. Ben oui. Et c'est pour ça que ces êtres-là sont très, très, très sociétaux. Ils évoluent en société. Ils ne peuvent pas évoluer tout seuls. Oui, parce qu'ils sont coupés d'eux-mêmes, donc ils doivent se référer constamment à l'extérieur d'eux. Oui, c'est tout le temps d'accumuler des signes de ça. Le gros char, la grosse cabane, le brelon. Quelqu'un qui a le contrôle, qui a un contrôle interne sur lui-même, ou que lui, ce qu'il veut, c'est se dominer lui-même, il s'en fout de ça. Il ne cherchera pas à dominer les autres. Ou Non. imposer un agenda sur eux. Ouais. À moins qu'il soit dérangé dans sa vibration par les autres, dans son harmonie à lui. Comme si le voisin, il te respecte pas, puis il vient déféquer dans ton lavabo, c'est normal de te choquer, puis de le dominer le temps de le sacrer dehors. Ben, à ce moment-là, c'est, par exemple, mettre ses limites par rapport à l'autre s'il envahit son terrain, là. C'est ça. Mais le terrain, c'est d'abord lié à une vibration interne. C'est-à-dire que si tu n'as plus la paix, si tu n'as pas la paix, ben là, c'est normal là, de devenir dominateur au sens que c'est, comment je pourrais dire ça? C'est comme la C'est un. légitime défense. C'est ça. Parce que là, on est dans du droit. OK. Je veux dire, tu as le droit d'avoir la paix, tu as le droit d'être bien, puis tu as le droit de. Bon. Puis ça, on ne l'accorde même plus, là. Fait que du monde sont de plus en plus agressifs. Oui. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est de la domination extérieure. Ça dépend de quel pouvoir qu'on parle. Parce que le vrai pouvoir, c'est interne. Mais il n'y a pas de différence entre l'externe et l'interne, au fond. C'est juste une question de degré. Mais le pouvoir, c'est. Comment je pourrais dire ça? Le pouvoir, c'est ça. Ça. Même la capacité de ne pas avoir de pouvoir. Dans le sens, là. Comment je pourrais dire ça? Moi, à mes yeux, le pouvoir, en tout cas, c'est pas te faire un coup de téléphone, puis il y a quelqu'un qui meurt ou qui perd sa job, en tout cas. Le vrai pouvoir, c'est pas ça. Le vrai pouvoir, t'as pas besoin de faire ça, tu fais rien. Ben c'est ça, dans le vrai pouvoir, il n'y a pas de chantage à exercer, de menace pour, par exemple, des gens adoptent certains comportements, là. Le vrai pouvoir, la vraie puissance, c'est quelque chose d'universel qui est au-delà d'un ego humain. Ça, c'est le vrai pouvoir puis la vraie puissance. Puis il n'y a pas un ego qui tombe pas à genoux en avant de ça. Parce que ça, c'est de la vraie autorité, parce que c'est la vraie hiérarchie, là. Ça vibre plus haut point. C'est tout. Mais le pouvoir, comme on le conçoit sur la Terre, ça n'a rien à voir à mes yeux avec. C'est plus ça le pouvoir, là. Mais il y en a pour eux, c'est ça le pouvoir. Et est-ce que le pouvoir réel auquel tu faisais allusion, le vrai pouvoir, c'est quelque chose qui peut être accessible aux gens qui sont des génies? Oui, ben oui, ça en fait partie. Le pouvoir, c'est. Si tu as le pouvoir de voir du réel, de l'intégrer, c'est un pouvoir. Tu es en relation avec ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le divin, là. Il n'y a plus besoin de. Tandis que le faux pouvoir, c'est celui qui fait que. Le faux pouvoir, c'est celui que tu peux perdre, puis que tu as peur de perdre. Donc, autrement dit, par rapport au faux pouvoir, les gens peuvent en être dépendants, ils peuvent être vulnérables. Ben, c'est comme les gens dominateurs, ils sont dominés. C'est une espèce de paradoxe. Quelqu'un qui veut dominer les autres parce qu'à quelque part, il est chevauché. Ouais, puis il se domine pas lui-même. Donc, si on voit des autorités politiques qui cherchent à dominer une population, ça peut parler d'eux en tant qu'individus, c'est-à-dire qu'à quelque part, ils n'ont pas accès au pouvoir réel. Et là, ça va m'amener à m'enchaîner sur le prochain sujet, qui est par rapport à la gestion de crise. Donc, ce que je vais faire pour les gens qui nous écoutent, là, je vais compléter la partie sur YouTube. Et là, on va enchaîner sur la partie que vous allez pouvoir retrouver là, sur Odyssey avec l'enregistrement intégral. Et là, on va aller plus loin là, dans les prochaines minutes. Et ça va être une partie qui va être exclusive là, aux gens là, qui ont accès là, à la plateforme Odyssey. Donc, vous allez avoir les liens en bas de l'enregistrement. Donc, on poursuit cet entretien. Parce que je voulais t'amener aussi, puis là je vois que le temps file, à commenter la crise sanitaire. Et le lien se faisait automatiquement dans ma tête là, en parlant de pouvoir par rapport à qu'est-ce qui se passe présentement. C'est-à-dire qu'on a l'élite de gens de différents pays, que ce soit en France, avec Emmanuel Macron qui a imposé le passeport sanitaire à la population, qui tente de le faire accepter. Là, c'est sûr qu'il y a des manifestations. Au moment où ce qu'on fait l'entretien, j'apprenais que Dominique Anglade, qui est la chef de l'opposition, entre parenthèses, au Québec, par rapport au parti de la CAQ, qui est au pouvoir, elle a fait partie du Parti libéral, puis elle demande l'imposition maintenant d'un passeport liberté. Et je pèse mes mots, c'est l'expression qu'elle a utilisée. Un Je passeport. savais qu'elle avait fait une sortie, mais je pensais pas qu'elle l'appelait comme ça. Oui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a tellement peur qu'il y ait une quatrième vague là, pour les prochaines semaines. Elle dit qu'il faut le mettre en place tout de suite, là, le passeport sanitaire, alors Alors, que la CAQ, c'était dans quelques semaines, là. elle veut engendrer une crainte d'une quatrième vague. Ça ne veut pas dire qu'elle a la crainte, ça veut dire qu'elle la veut. En tout cas, moi, à mes yeux. Ben, en tout cas, elle cherche à faire agiter l'épouvantail de la crainte pour Ça. amener une instauration rapide et immédiate du passeport sanitaire au Québec. Donc, elle cherche à imposer ça. Et là, c'est sûr qu'on a vu le ton se durcir là, dans les dernières semaines là, par rapport aux gens non vaccinés. Donc, on sent qu'il y a un pouvoir qui s'exerce pour essayer de les contraindre, les pousser vers la vaccination, comme si on était un troupeau de moutons qu'il fallait orienter. Là, ça donne un peu cette impression-là, à un certain niveau. Puis, je voulais t'amener justement à commenter là, cette volonté là, empressée de mettre en place un passeport sanitaire. Elle, c'est une exécutante, elle veut ce qu'on lui demande. Legault, à cause au fond, là, faut pas croire nécessairement les sondages de M. Léger. Donc, Legault, lui, c'était mieux que ça vienne pas de lui. En faisant faire venir ça par l'opposition, ça passe un peu mieux. En tout cas, chez les tatas, là, les naïfs. Exactement. Et présentement, il y a certaines personnes, puis ça fait plusieurs semaines, là, qui parlent d'opposition contrôlée. Donc, opposition contrôlée dans les médias, par rapport aux gens qui sont présentés, mais aussi au niveau politique. Et le questionnement que j'ai en tête en regardant Dominique Anglade qui s'oppose pas du tout aux mesures de François Legault, elle en rajoute. Elle veut que ça aille plus vite. Au lieu que ça soit mis en place pour le début du mois de septembre, elle, c'est tout de suite. Donc, à ce moment-là, est-ce que, à quelque part, l'opposition au Québec, au niveau politique, est contrôlée par un agenda mondialiste Ben, il au-dessus n'y en de a nos... pas d'opposition, il y a juste ça du contrôler. Au fond, là, M. Legault va bien paraître en disant, oh, pas tout de suite, ne soyons pas si drastiques. Puis quand ça va être l'automne, là, ça va mieux passer. Exactement. Donc, par rapport à la crise, parce qu'il y a eu beaucoup de branle-bas de combat ou de manifestation en France là, dans les derniers jours, dans le contexte où on se trouve présentement, au mois d'août, parce que c'est quand même gros. Emmanuel Macron, au mois de septembre, là, les gens, va falloir que tous les personnels soignants ou les gens qui côtoient des soignants aient le passeport vaccinal, même pour rentrer dans un hôpital. Là, on parle plus juste du cinéma ou aller au restaurant, là, mais avoir accès à un service essentiel comme l'hôpital, ça va prendre ça. Et j'essaie de comprendre, c'est quoi l'empressement à mettre en place cette mesure-là présentement? Ben oui, mais c'est juste par rapport à, ils veulent mettre à jour justement leur nouveau système. C'est juste un prétexte, la santé. C'est ce qu'ils veulent, c'est ficher beaucoup plus, que tout le monde soit fiché beaucoup plus rapidement. Puis tu le sais, c'est l'affaire voyons, Ce qu'il y a en Chine, là. Ben, le crédit social. Ça commence comme ça, là. Et parce que pour des esprits occidentaux qui ont été abreuvés d'idées de liberté, puis tout ça, tu peux pas arriver puis dire, nous autres, on décide que c'est ça, puis c'est ça. Il faut que tu prétextes. Il faut qu'il y ait des prétextes. Il faut justifier. Ça commence tranquillement. Il faut que ce soit progressif. Ben, progressif, la cadence a été quand même assez rapide en France, là, parce qu'eux autres, il y a pas la transition des services non essentiels, parce qu'au Québec, l'agenda qu'on cherche à nous vendre présentement, c'est qu'à l'automne, s'il y a une quatrième vague, ça va être juste les services non essentiels que les non-vaccinés n'auront pas accès, donc comme le cinéma, la restauration. Et les services essentiels, comme par exemple, si on pense les hôpitaux, hein, on continuerait à avoir accès, tandis que la France, c'est une coupure. C'est tout l'ensemble des services, là. Ouais, ben, beaucoup de services, en fait, là. Les Français, c'est parce que, bon, aussi, moi, je vois là-dedans une volonté de créer une révolte. Puis la France, ils veulent une guerre civile. J'ai cette impression-là depuis une quinzaine d'années que les gens qui dirigent la France vraiment, ou qui sont plus haut un peu en tant qu'exécutants, comme M. Attali et compagnie, eux, ils veulent une guerre civile. Mais pour ça, les Français, il faut les asticoter. C'est comme... Talleyrand disait, agiter le peuple avant de s'en servir. Avant de taper puis de fracasser des crânes, il faut que tu crées une situation où ça va sembler logique de le faire. Exactement, au même titre que toute la crise qui a eu cours depuis un an et demi a préparé les mentalités à implorer, dans certains cas, à genoux, d'avoir le passeport vaccinal, puis de demander au gouvernement, puis de répondre à son âge, oui, je le veux, puis accepter le couvre-feu, alors qu'on aurait pris la même population il y a à peine quelques mois avant le début de la crise du coronavirus en mars 2020. On leur aurait dit, vous allez avoir un couvre-feu à 20 heures, le port du masque, ensuite le passeport vaccinal. Ils auraient dit non, ils n'auraient jamais voulu. Mais ils veulent pas plus là. Mais s'il faut que ce soit progressif, c'est une mise en condition. Pour conditionner, il faut que tu aies une mise en condition. Mais juste avant qu'on passe à une autre idée, pourquoi, ça serait quoi l'intérêt des dirigeants à ce qu'il y ait une crise sociale, puis qu'il y ait des conflits, puis que la situation dégénère? Dans quel but? Quand tu as une grande maison ou un gros bateau, mais que tu as trop de. Quand tu as trop de marins sur un bateau, tu as des risques de mutinerie. Oui. Fait que tu es aussi mieux de créer un contre-feu, d'en provoquer une que tu contrôles pour avoir le prétexte d'éliminer une partie de ton monde. Exactement. Ça me fait penser un petit peu à la tactique de Saddam Hussein, qui a été un dirigeant en Irak, donc un dictateur. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il a fait venir tous les hauts dirigeants, les hauts gradés, les colonels, les sergents, etc., de son équipe dans une pièce. Puis il en a accusé certains de l'avoir trahi. Puis les autres ont été au courant qu'ils ont été exécutés. Fait que là, les autres ont eu peur. Fait que ça crée un climat d'intimidation en éliminant certaines personnes, pour créer une espèce d'ambiance de peur qui justifie son autorité. Oui, ben lui, c'est parce que Saddam Hussein, c'est un admirateur de Staline. Donc, il a fait ça comme Staline un peu. Il fumait son cigare pendant que ça se passait, puis Staline, lui, dans le temps, il buvait ses verres de vodka. Mais c'est le même genre de tactique. Bon, on ne peut pas agir comme ça en France. Il faut agir autrement. Puis il faut que ce soit jusqu'à un certain point encore pire. Donc, autrement dit, s'il y a de la grogne, puis là, ça monte plus haut, mettons, avec les oppositions qu'il y avait eu avec la crise des gilets jaunes, là, il y a plusieurs mois, là, par rapport à l'augmentation du coût du carburant, puis bon, il y a eu des manifestations dans la rue. Donc, si on amène plus haut la pression sociale, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des vitres qui sont cassées, des policiers qui vont se faire frapper, des autos mis en feu, etc. Puis là, ça pourrait justifier des mesures autoritaires comme un Ben couvre-feu oui. renforcé, puis. Au pire, tu vas avoir du monde de la CIO d'ailleurs qui vont des snipers qui vont tirer du monde dans la foule pour faire paniquer à la fois les manifestants et les policiers. Les policiers sont prêts, là. Eux autres aussi, c'est des manipulés. Mais la crainte, c'est que les policiers se mettent sur le côté des manifestants. Donc, il faut créer de la crainte entre les deux. Puis, il faut faire de la division. Et on revient ici à l'adage diviser pour régner. C'est ça, ben, tu peux pas régner sans division. Il faut tout le temps qu'il y ait de la polarité. C'est la loi du damier. C'est pour ça que, par exemple, au Canada, on a la Chambre des communes. Tu as un président de la Chambre, il est assis sur son fauteuil, puis tu as un bord de la Chambre, un autre bord de la Chambre. Puis ça fonctionne comme ça, mais c'est pour des raisons psychologiques que c'est comme ça. Ça vient toutes des mêmes affaires. C'est comme pourquoi les juges ont des maillets, ça vient toutes des mêmes affaires, ça, ce maillet-là. Le maillet, c'est pour faire de la pierre, là, les tailleurs de pierre. C'est pas, sinon, il n'y a rien que la croire comme les religieuses, ou je sais pas, là. Mais non, ils ont un maillet. C'est tout le temps lié à ces vieilles techniques-là. C'est de la géométrie sociale. Et pour ce qui est de l'agenda mondialiste, parce que quelques instants avant qu'on fasse l'entretien, j'écoutais le bulletin de nouvelles, là, je voyais que finalement, bien, aux États-Unis, à New York, ils vont aller de l'avant avec le passeport vaccinal. Ensuite, il y a la France, il y a l'Italie aussi qui va aller de l'avant. Moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers l'ensemble des pays qui vont être appelés dans les prochaines semaines, les prochains mois à adopter le passeport vaccinal. Et on va se retrouver bientôt dans une société où, pour voyager, ça va devenir un standard, un peu comme le passeport l'est actuellement pour prendre l'avion. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est comme la clé de voûte, la porte d'entrée pour l'identité numérique et le traçage en temps réel des êtres humains à chaque fois qu'ils se déplacent, non seulement d'un pays à l'autre, mais qu'ils entrent dans un commerce ou un lieu On est public. déjà très... C'est déjà là. C'est juste que là, il faut l'officialiser. Exact. Donc, ben non, dès que tu as un billet de banque dans tes poches, tu es suivi à la trace, mais les gens ne savent pas. Ben, Mais c'est je veux dire, il pareil, n'y a pas de pas de carte à micro. puce Je veux ou. dire, le billet de banque, il n'y a pas un micro-puce dedans, là. Tu penses? Pas sûr, moi. Il y a de la technologie qu'on connaît pas. Ben, c'est-à-dire qu'il va y avoir une technologie qui est incorporée dans le billet de banque pour éviter la fraude, puis avec le temps, elle est devenue de plus en C'est plus ça sûre, qu'ils tu sais, disent. en théorie, oui. Ben là. Il y a des. Donc, quand tu traverses une frontière, il y a Oui. possibilité. Il y a des gens, mais là, c'est pas au niveau des douaniers puis ces petits-là. Mais ils savent exactement comment t'as dans tes poches. Que ce soit une carte à puce ou des billets de monnaie, là. C'est que c'est tellement subtil, c'est tellement indétectable, si t'as pas la technologie pour que le monde, ils sont pas au courant de ça. Ça a tout été comme ça. Pour vraiment avoir le pouvoir sur Terre puis contrôler, il faut que tu aies accès à de la technologie. Parce que ceux qui contrôlent puis ont le pouvoir, c'est parce qu'ils ont une technologie, ils ont une science, c'est de la connaissance. Puis la connaissance qui est puissante, c'est celle que les autres n'ont pas. Exactement. Et donc, c'est sûr que là, justement, parlant de technologie, avec les développements d'intelligence artificielle, le croisement de données, le big data, tout mis ça ensemble, on est en train de développer l'arsenal, la grande réinitialisation, donc la quatrième révolution dont parle Klaus Schwab, directeur du Forum économique mondial, qui, lui, œuvre et travaille pour un agenda de type transhumaniste, où chaque être humain va vivre la fusion entre l'aspect biologique et également technologique, électronique. C'est la même vieille guerre. C'est vieux, là, ça fait longtemps. C'est l'achèvement. Et comment je pourrais dire ça? C'est comme là, on a eu un recensement au Canada. Oui. Tu te souviens-tu, toi, la première fois à l'école que tu as entendu parler d'un recensement? Honnêtement, ça fait longtemps, là, je me rappelle pas. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'un recensement, c'est à l'école, c'était le roi Hérode. On nous expliquait que le roi Hérode avait fait faire un recensement, puis c'est pour ça que la Sainte Famille avait été obligée de fuir en Égypte. Parce que lui, il voulait éliminer une lignée qui descendait directement du roi David. Ben, c'est une guerre génétique, ça. Pourquoi? Parce que tu peux pas contrôler une population où il y a des gens qui ont des aptitudes de pouvoir justement être ce que j'appelais le génie tantôt. C'est un type d'ADN qui permet ça. Puis en plus, c'est qu'il y a l'épigénétique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a ça, par la parole, il peut réveiller ça chez d'autres. Ça leur fait peur. Ben oui, parce qu'il peut occasionner une activation vibratoire qui va déstabiliser leur système et leur structure. Ben, c'est surtout parce que quelqu'un qui est en contact avec l'esprit, tu peux pas contrôler ça. Tu ne sais pas ce qu'il va faire, tu peux pas prévoir. Le béhaviorisme devient inutile. Toute leur science devient inutile. Parce que c'est imprévisible, ils ne peuvent pas calculer. Parce que c'est des calculeux. Exactement. Et parlant de calcul présentement avec l'agenda vaccinal qu'on a vu progresser au fil du temps, au début, on disait, ah, ben, le vaccin, ça va être juste les gens vulnérables, les gens de 70 ans et plus. Progressivement, ben là, ça va être les plus jeunes. Finalement, ben là, ça va être également là, les jeunes de 12 à 18 ans. Puis là, on dit, ah, les objectifs, c'est 75% au Canada. De l'ensemble de la population, une dose, 20% deux doses. Puis après ça, tranquillement, ben, ça va être 80%. Puis là, on parle de Ben oui. 90% au Canada. Ben s'il est arrivé d'un coup en disant ce qu'on veut, c'est 100% du bébé naissant au petit vieux, le monde aurait sorti tout de suite dehors des rues, là. Ça n'aurait pas fait. Faut y aller progressivement par ce qu'on appelle l'éducation, donc mise en condition, conditionnement. Puis il faut Oui, que ça soit la tactique progressif. du gradualisme. Mais moi, ce que j'ai de la Ça. difficulté à comprendre, c'est qu'ils n'ont pas été avec cette tactique-là du gradualisme en France, en imposant le passeport sanitaire également à des services essentiels comme l'accès à l'hôpital. Ben, la France, c'est un laboratoire depuis 45, là, depuis que les Américains sont rentrés. C'est un laboratoire, la France, surtout pour les Américains, les Britanniques, puis d'autres affaires. Puis là, c'est sûr qu'ils veulent aussi provoquer quelque chose, ils veulent faire un exemple avec les Français. Mais si on regarde l'histoire de la France, puis qu'on met ça dans le contexte d'une vieille guerre, c'est sûr que la France, ils veulent, c'est l'ennemi à abattre. Surtout, cette culture-là. C'est comme ils ont tout fait pour détruire la langue française, tout. Ils sont en train de la déconstruire, de la transformer, ils s'arrangent pour qu'elle soit mal enseignée. Puis c'est sur des générations, là, on est rendu à un point où même les professeurs ne savent plus écrire. Ils veulent détruire le français. Puis il y a des raisons pour ça. Parce que. Qu'est-ce qu'il y a à un moment donné, si on regarde vite fait, bon, à un moment donné, tu avais l'araméen, ça a été remplacé par le latin, puis après ça, le français. C'était la langue. Le français, c'était la langue parfaite. La langue qui était le meilleur outil pour l'utile, faire passer des vibrations, puis parce que c'est une langue bloc Lego un peu, tu peux construire n'importe quoi, puis c'est une langue parfaite là, au niveau de sa structure de. La façon qu'on peut jouer avec, c'est pas quelque chose. Puis non, ils veulent à tout prix. Il y a une guerre contre le français, puis ça fait longtemps. Donc, autrement dit, on veut déstabiliser la France, qui est un noyau, c'est sûr, de rayonnement de la langue française, parce qu'à l'origine de là, après tout. Et aussi, ce qu'il faut dire par rapport à la France, c'est qu'ils ont déjà connu la Révolution française, donc contre la monarchie. Et là, c'est sûr que j'imagine que les élites ne voudraient pas qu'il y ait une révolution 2.0 contre tous les dirigeants qui veulent mettre en place le passe sanitaire. La Révolution française a servi à détruire la France. Oh boy! C'est pas, c'est désolé là, mais égalité, fraternité, patati patata, là, ça là, non, ça vient pas de. C'est, regarde là, ce qui gouverne la France là, vraiment là, qui a corrompu la France, puis tout, ça vient d'Angleterre, ça vient d'Écosse, ça vient de Hollande, ça vient de Suisse. C'est tout sauf français. La Révolution française, elle n'a pas été pensée par le peuple, puis pour le peuple. C'est encore, disait Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. Non, C'est non, la mais. Révolution française, Ouais. moi, à mes yeux, c'est ce qui a le plus nui à la. C'est parmi les choses qui ont nui à la France. C'est le début de cette maudite affaire-là de ce qu'on a comme aujourd'hui, là, toute l'agenda d'aujourd'hui. Les mots, puis oh non non, moi l'affaire là, la sacro-sainte, comment qu'ils appellent ça donc, des fois je cherche un mot puis je me le fais enlever là, mais comment qu'on appelle ça là, l'espèce de religion républicaine là, qui est en train de remplacer tout le reste, puis la vivre ensemble, puis moi je le savais qu'on aurait ça pour les 10 prochaines années quand j'ai vu ça sur des petits pamphlets là, qui venaient de certaines choses, là, que ce qu'elle allait mettre de l'avant, c'était le vivre ensemble. Non, non. La France est devenue une république Elle s'est fait enlever sa mission, elle s'est fait enlever ce qu'elle avait. Puis ils vont faire pareil avec le Québec. C'est pour ça que les Québécois sont. Le Québec est tellement. Ils s'acharnent sur nous. Oui, mais si on en regarde au moment où on vous parle par rapport à la crise, on parle de l'imposition d'un passe sanitaire au Québec, mais il y a d'autres provinces. Si on prend l'Alberta, le port du masque n'est plus obligatoire, les mesures ont tombé. Même chose pour l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick. Donc pourquoi au Canada, d'ailleurs, les mesures ont été les plus restrictives dans les derniers mois, spécifiquement au Québec? Ben, c'est nous autres qui c'est nous qui a les clés. Ils ont tellement peur. Entre autres, je vais revenir là-dessus, là. Oui. Et notre ADN. Mmh. C'est une guerre de l'ADN. C'est une guerre de vibrations. C'est une guerre de. On nous a fait croire qu'on était des imbéciles, qu'on était des tatas. Alors que c'est faux. C'est complètement faux, au contraire. Mais pour en revenir à l'agenda mondialiste qui me semble se déployer d'une manière un peu plus accélérée depuis les derniers mois. Est-ce que, ben tiens, je vais t'amener à parler un peu à ce sujet-là. Selon toi, quel est justement l'agenda mondialiste? C'est un contrôle total, mais aussi d'abattre une fois pour toutes ce qu'ils considèrent comme leur ennemi, l'informe, puis ce qu'ils appellent l'informe. De toute façon, ça, c'est quasiment à terre. Mais c'est une guerre. C'est une guerre à finir. Puis le but, c'est le contrôle de la planète. Puis comme je te dis, on est aux prises, nous, on est l'enjeu d'une guerre entre toutes sortes de forces. C'est un rapport de force entre ce qui avait le mandat. Si on pourrait dire la gardienne, puis qui sait qu'il ne reste pas grand temps, puis qu'on a tellement coupé d'avec la source qu'ils savent pas ce qui nous attend. Ils ne savent pas, puis ils ont peur. Dernièrement, j'ai vu, il y avait une publicité, je pense, c'est pour vendre des voitures, puis là, à la fin, le slogan, ça disait Libérer la bête. Puis là, après ça, il y avait une émission de fiction, puis à un moment donné, je revois ça dans l'émission de fiction Libérer la bête. Puis, mais c'est pas anodin de nous mettre des conneries comme ça dans des publicités puis dans de la fiction. C'est très lourd de conséquences. Moi, j'ai pour mon dire, ben, libérez-la. Ça veut dire que ça achève. Non, exactement. C'est sûr qu'au niveau cosmique, si je fais le lien avec les propos qu'avait tenus Bernard de Montréal, bon, il parlait de l'avènement de la régence planétaire pour 2070. C'est sûr qu'à l'échelle d'une grande quantité de temps, on est en 2020, donc d'ici 50 ans à peu près, il va y avoir un changement de cap qui risque de s'opérer sur la Terre, là. Oui, mais ça, je trouve ça loin un petit peu, là. Ça va se jouer plus vite que ça, là, je pense. De toute façon, on dirait que notre mesure du temps est plus la même, là. Parce que je ne sais pas si tu as vécu cette expérience-là. Moi, mes micro-ondes, j'arrive pas à tenir l'heure. Les puces électroniques arrivent pas à calculer le temps. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu un micro-ondes qui prenait pas de l'avance ou de l'arrière au niveau de l'heure. C'est pas normal, là. À moins, c'est pour ça qu'ils veulent de plus en plus nous plugger sur, tu sais, ce qu'ils appellent les électroménagers branchés, là, Ouais, intelligents, les là, pour objets qu'ils se remettent connectés, à là. jour à mesure. Le temps, la perception du temps, puis le temps est en train de changer. Puis, ça nous est caché. Pourquoi? Parce qu'on est sur le bord de changer de cycle, là. C'est sur le bord de. On est vraiment. Une vie humaine, là, c'est un clin d'œil à l'échelle de l'univers. C'est vraiment rien. Puis on est à ce niveau-là, à cette échelle-là, on est très, très proche. Mais c'est pour ça que les histoires-là, les banques s'effondrent en 2014, puis en 2070, c'est la nouvelle régence. Moi, à mes yeux, ça veut rien dire tout ça, parce que si on se met à calculer le temps de même, on est fait. Parce que le temps change, la perception change. C'est pour ça que ça a été dit, il a été écrit, personne ne connaît ni la date ni l'heure, parce que ça compte plus, là. Non, C'est mesuré. exactement. Puis le temps est relatif. D'ailleurs, c'est ce qui a été la démonstration qui a été faite avec des horloges nucléaires ou qui sont déplacées, là, où, mettons, dans l'espace. Puis, mettons, l'horloge revient sur la Terre par rapport à la vitesse de la rotation de la Terre, etc. Bon, en tout cas, il y a des expériences scientifiques qui existent par rapport à ça, là, qui peuvent donner des explications de la relativité du temps, puis le fait que le temps passe moins vite d'une horloge à l'autre, tout dépendant de l'endroit qu'elle est dans l'espace, là. Ben oui, parce que Ça obéit pas à des lois aussi mécaniques qu'on le pense, puis on s'en va vers autre chose, là, dans le sens que c'est plus la même chose, là, c'est plus pareil. Fait que l'affaire, là, en 2021, c'était telle affaire, là, en 2023, c'était telle affaire, puis là, en 2060, moi, là, je me fie pas à ça. Je me fie à ce que je vois en temps réel. Oui, même chose pour moi par rapport à l'agenda 2030. Parce que là, il est question que l'élite planétaire, l'élite mondialiste, dont je te parlais tantôt, Klaus Schwab, là, qui est un des représentants, puis s'en cache pas, hein, il fait des rencontres, puis on le voit sur le web, là, dans des vidéos sur YouTube. Bien, l'agenda 2030, avec les objectifs globaux, on en avait déjà parlé dans une capsule précédente, bien, ils ont un paquet, entre guillemets, d'objectifs à caractère humanitaire, l'éducation, l'accès à l'eau potable, puis tout ça pour l'humanité. Mais derrière ça, il y a tout l'agenda transhumaniste et qui fait appel au déploiement d'un être humain un peu comme un robot là, interconnecté, là, la fusion du Ben vivant oui, puis. ils veulent altérer l'ADN, puis ça s'est passé dans le cycle d'avant, au début du cycle d'avant. C'est comme, c'est pour ça, à un moment donné, il y avait des, c'est pour rien qu'on a les mémoires au niveau de la mythologie de toutes sortes d'horreurs. Des cyclopes, puis des centaures, puis toutes sortes de cochonneries. On s'en retourne vers ça. Peut-être là, on va en voir des bébites, on va en voir des monstres, puis ça va être, ils vont être fiers de ça, eux autres. Bien, il y a des manipulations génétiques qui se font, entre guillemets, dans l'optique de faire un humain amélioré avec des travaux là, à différents niveaux. Bien, d'ailleurs, le vaccin à base d'ARN, c'est une nouvelle technologie qui cherche à altérer le génome. Puis là, comme on est présentement en Soudici, on peut parler ouvertement de vaccin. Là, on ne sera pas bloqué, là, Si normalement. au moins c'était des vaccins, Bien, c'est c'est autre ça. C'est chose. une thérapie génique. Ouais. C'est encore d'altérer l'ADN. Pourquoi? Pour empêcher l'homme d'apprendre ce qui est son droit, ce qui va être son droit. Je veux dire, la gardienne, là, elle s'est rendue compte que l'enfant qu'elle garde, il est plus intelligent qu'elle, puis qu'il est plus important qu'elle, puis qu'il va devenir plus qu'elle. Puis, elle était tellement pas contente qu'elle a voulu devenir danse comme lui. Elle a voulu être elle aussi un enfant aimé là, dans la maison, que c'est sa maison, qu'un jour c'est lui qui va hériter de la maison. Puis là, les corps sont morts, puis on est encore pris avec ce maudit esprit-là qui plane au-dessus, parce qu'il y a la maudite couche énergétique, là, tu sais, qui est, comment je pourrais dire ça, c'est psychomatériel, c'est électromagnétique, ça englobe la planète, puis la mémoire est enregistrée là-dedans. Puis, il n'y a personne qui comprend que ça va s'accentuer parce que c'est de plus en plus enragé, c'est de plus en plus agressif. Ben oui, parce que la gardienne qui sait que son temps est compté, à un moment donné, son chiffre va finir parce que les parents vont revenir au domicile, mais elle va chercher plus longtemps à garder le contrôle puis à manipuler dans cette optique-là. C'est ça. Puis, c'est de. Elle va même quitte à mal nourrir les enfants pour qu'ils soient affaiblis. Puis, c'est grave, là. C'est Ou leur vraiment injecter dégueulasse. peut-être même des substances toxiques Ben oui. à Parce qu'elle travers. veut que Ouais. ça soit elle, le centre de l'attention. Fait Ben. que là, c'est comme un syndrome Munchausen par procuration. C'est rendu. Là, elle magane elle-même les enfants. Ben, elle dit, regardez s'ils font pitié, ils sont malades. Mais dans le fond, c'est pour se faire dire, oh, vous êtes donc bonne, madame. Oui, puis vous prenez soin des enfants malades, donc vous avez une grande âme. C'est ça. Alors que c'est totalement le contraire. Puis là, ça va être le tout pour le tout, parce que ça va perdu d'avance. C'est encore plus en colère. Ça va pas se faire sacrer dehors de la maison sans faire une crise. Non, c'est ça. Et ça me fait penser un petit peu à Adolf Hitler qui, sachant que la guerre était perdue en Allemagne, a décidé de carrément mourir dans son bunker puis laisser Hein? Berlin être détruit là, par l'URSS qui rentrait à Berlin puis bombarder la ville au lieu de faire un traité de reddition puis épargner des vies. Eh oui, quitte à envoyer des petits-enfants Faire la se guerre. battre, Ben oui, ben c'est ça avec la puis jeunesse donner hitlérienne. des ordres pour que tout soit détruit. Si l'ennemi doit nous conquérir, qu'il ne conquérisse que des cendres, détruisez tout. Puis là, heureusement qu'il y en a qui ont allumé, puis qui ont dit non. On le fait pas. De toute façon, lui, il est rendu. Mais c'était pas le temps là, de réaliser quand c'était possédé, là. Il était trop tard. Mais au moins, à la dernière minute, ils ont réalisé un peu. On a affaire à des méchants malades. Puis, je veux dire, le monde, là, les petites matantes granola, puis il faut sauver la planète, puis des champs de boules de cristal pour faire élever les vibrations de la planète, puis blablabla. Il n'y a rien de pire. Si tu regardes, là, tu sais, là, je veux dire, c'est les environnementalistes, là, c'est rendu qu'ils autres, ils disent, ah, il y a de la surpopulation, faut en éliminer pour sauver les mulots puis les souris. C'est ça, là. C'est parce que comment je pourrais dire ça? Les forces anti-vie, les forces anti-hommes vont tout le temps être polarisées, puis même des fois, c'est sincère, là. Ils pensent, eux autres, qu'ils vont sauver le monde. Ils Ben, sont c'est en train de ça, le détruire. c'est ça, exactement. Là, t'sais, ils vont culpabiliser les gens en disant vous êtes des méchants pollueurs, etc., pour limiter les gens dans les déplacements, éviter d'utiliser l'automobile. Ben, C'est ça. parce que c'est un peu comme si tu regardes, je sais pas moi, des sectes puis des affaires de même, gars, Luc Jouret, c'est un médecin, un homéopathe. Tu sais, c'est bien dommage, là, mais moi, c'est pas pour rien que je me suis tout le temps méfié des bonnes intentions. Parce que je le sais, ça, que c'est souvent inversé, puis. À un moment donné, là, c'est arrivé cet été, je me promenais sur la rue, puis il y avait un gars qui se promenait avec sa petite fille, elle avait peut-être 2, 3 ans, puis je pense qu'il m'a reconnu de l'Internet. Parce qu'il disait à sa petite fille, il dit, ce monsieur-là, là, il a l'air bien sévère puis bien méchant, mais il est super gentil. Bon. Là, quand j'ai entendu ça, ben, j'ai les oreilles bien fines, j'ai regardé vers lui, j'ai fait bonjour. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, j'ai l'air d'un fou, j'ai l'air d'un enragé. J'ai pas l'air gentil du tout. Mais c'est les gens gentils qui sont dangereux, qui ont l'air gentils. C'est le monde qui ont des belles dents blanches, puis qui sont avenants, puis souriants. C'est d'eux autres qu'il faut souvent se méfier parce qu'il y a une inversion, il y a de la polarité, il y a un paquet de lois qui font ça. C'est comme un peu comme dans la nature, là, les animaux, ils ont des tactiques de camouflage, puis. Des tactiques de séduction, si on pense au Ben paon oui. avec le pelage. Mais je voulais t'amener aujourd'hui, avant que je l'oublie, à voir depuis, parce que ça fait plusieurs années qu'on fait des entrevues ensemble, et l'année passée, je te parlais de la possibilité qu'il y ait éventuellement un pass vaccinal. Puis bon, on en avait parlé ensemble, puis J'y toi, tu croyais pas, hein? ben, t'étais un petit peu sceptique. Oui. Ben oui, mais je me trompe souvent. Mais Il y a des affaires que ça, je suis sûr, mais il y a d'autres affaires que. Oh, mais ça, c'est parce que moi, ça m'est dévoilé à mesure. c'est... Parce que c'est pas moi qui décide là, ce que je sais ou ce que je sais pas. Il y a des affaires que je sais pas que je les OK. Mais sais. Mais c'est pas moi qui décide parce qu'il faut que ça c'est... se passe de même. Non, mais c'est bien correct. Puis l'important aussi, c'est pas de me croire non plus, là, sur parole, tu sais, Ben non. vérifier par Hey, vous-même. si le monde ils se met à me croire là, sur parole, on est dans la merde, là. Non, exactement. Puis c'est la même chose pour moi. Fait que Ben là. vérifiez par vous-même qu'est-ce qui est réel, là, Ben, comme je c'est le dis ça. souvent dans les Hey, enregistrements. ça fait 5-6 ans que je dis, c'est vous autres, par vous-même, pour vous me dire, il faut que ça soit de jamais croire. Puis là, il y en a qui vont dire, il y en a tout de suite qui vont dire, ouais, mais gna gna gna. C'est parce qu'au niveau de la forme, il y a tellement de confusion. C'est comme moi, je vais chialer beaucoup contre la spiritualité, mais oui, c'est une guerre spirituelle, mais à mes yeux, c'est une guerre spirituelle au sens de l'esprit, pas de la spiritualité. Pas de la Puis, croyance ben spirituelle, non. exact. Puis c'est comme il y en a, ils vont dire, ils parlent contre la foi, puis blablabla. J'ai jamais parlé contre la foi. La foi, c'est pas de la croyance. La foi, c'est une grâce, puis c'est inscrit dans l'ADN du monde. C'est pour ça que Bill Gates, il parle de thérapie génique pour empêcher le terrorisme, parce qu'ils veulent à tout prix enlever ça. Ils veulent à tout prix enlever certains gènes Oui, des gens qui seraient liés, qui entre leur font guillemets, à peur. l'agressivité, mais en même temps, ça peut être des gens liés à l'insubordination. Oui, Les puis gens niaient aussi la même révolte contre l'autorité, le contre-fort. s'il n'y avait pas eu ces gènes-là, que aussi ça peut être lié à la charité envers son prochain, puis l'empathie envers son prochain, il n'y en aurait pas eu de civilisation. On serait resté des civilisations épouvantables, là, comme dans le temps qui grimpaient du monde en haut des pyramides pour leur ouvrir la poitrine puis leur arracher le cœur. Non, c'est sûr qu'il y a eu des gènes qui ont, en guillemets, pacifié l'être humain, favorisé les contacts sociaux, le lien social. Puis il y a aussi des manipulations génétiques qui ont été orchestrées par des extraterrestres dans un passé lointain. Oh, des extraterrestres. C'est-tu vraiment des extraterrestres? Admettons qu'ils ont tout le temps été là. Admettons que c'est la gardienne qui se déguise pour jouer au bonhomme 7 heures. On fait quoi, là? Non, je suis d'accord avec toi. En fait, on pourrait parler à ce moment-là, j'allais dire les pères fondateurs de l'humanité qui surveillent depuis le départ, mais j'aime pas cette expression-là. En tout cas, Ah, ça c'est des fait. êtres autrement que biologiques, humaines, mais qui interfèrent sur l'expérimentation humaine depuis des millénaires. Ben, c'est comme le regard de les abductions. Oui. On est fait, c'est, je ne sais pas moi, des programmes gouvernementaux qui servent de certaines zones pour manipuler le cerveau, puis encore expérimenter sur la génétique du monde. C'est ça, puis en donnant l'impression que des souvenirs écrans, que des extraterrestres ou la Sainte Vierge, mais en réalité, derrière ça, c'est des forces qui collaborent avec les gouvernements, dont certains parlent du gouvernement secret, pour tenter des manipulations génétiques sur des humains. Ah, dès que c'est pas secret, c'est jamais le vrai gouvernement. Dès que c'est visible, parce que ce qui est en pleine lumière, c'est tout le temps du caché. Caché en pleine lumière. Mais il reste que. Ah non, c'est comme à un moment donné, on s'est ramassé avec, comme maire de la ville, là, comment il s'appelle lui? Michael Applebaum. Bon, lui, c'est qui son père? Puis c'est qui cette famille-là? Puis tu sais. Puis c'est tout le temps comme ça. On ne se rend pas compte. C'est pas grave, je veux dire. On n'aura pas le choix à un moment donné. Mais il reste que c'est ça, là. C'est que on se fait avoir par la forme, tout le temps. C'est là que l'intuition devient extrêmement importante. C'est comme quand il y a eu l'affaire des masques, là, avec des fibres de graphène dedans. J'avais entendu une mère qui disait, Samuel disait de pas mettre ça à ma fille. Il y avait de quoi en dedans qui me le disait de pas y mettre. Mais là, je mettais pareil, puis je l'envoyais à l'école. Ben oui, mais fie-toi pas à la forme. Il faut que tu te fies. À un moment donné, il faut que notre intuition devienne. Il faut la transmettre en de la conscience active. À un moment donné, l'intuition, il y a quelque chose. C'est pour ça là, le discernement vibratoire. Puis c'est pour ça qu'on se trompe beaucoup au niveau de la forme, mais on ne se trompe pas au niveau du fond. Oui, Moi, d'où à date, là, l'importance oui. d'être à l'écoute de sa source. Parce que par rapport aux formes que ça prend, je me trompe souvent. Mais par rapport au fond, ça, là, je suis sûr que je ne me trompe pas. Oui, l'essence. C'est sûr que C'est derrière ça. l'agenda mondialiste, le scénario qui se déroule, c'est une accentuation, du contrôle par les autorités gouvernementales grâce au développement de la technologie, intelligence artificielle, d'identité numérique, etc. Et bon, il y a à peu près un an, j'entrevoyais la possibilité d'un passeport vaccinal. Il y a certaines personnes qui, sur le web, m'ont dit, bah, regarde, tu capotes, là, tu délires, là, tu fais de l'anxiété avec ça. Puis, finalement, bon, on voit que ça s'est actualisé en France, c'est sur le point de l'être dans les prochains jours au Québec. Et la question que je te pose à présent, c'est que si le passeport vaccinal devient obligatoire au Québec, est-ce que, dans le fond, ça va faire en sorte que tu vas te faire vacciner? Ben non. Bon, dans un premier temps, c'est obligatoire, ça t'empêche d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. J'y vais pas. Bon, aller De au toute quai. façon, j'ai une vie austère, OK. frugale. OK. J'en ai pas de divertissement vraiment. OK. Puis, Mais. si ça t'empêche, bon, si dans un premier temps, on dit, ah, passeport vaccinal, c'est temporaire, le temps que la quatrième vague se résorbe, puis c'est juste les services non essentiels. Puis si quelques mois après, disons qu'on est rendu au mois de janvier, puis finalement la crise se résorbe pas, une augmentation des cas comme à chaque mois de janvier, à chaque année, parce qu'au Québec, pour les Français ou les gens à l'extérieur nous écoutent, il y a tout le temps des débordements, des salles d'urgence, ça fait au-dessus de 10 ans que ça dure, c'est tout le temps le même scénario à chaque année. Puis il y a des gens qui se mettent à dans les bulletins de nouvelles là, incroyables, là, l'urgence va déborder de 150 %, 130, puis on fait des palmarès avec ça chaque année. Donc si la situation arrive, puis il dit, ben finalement, ça va être également les services essentiels comme l'accès en hôpital, ce que tente de faire Macron présentement, puis l'accès au palais de justice, des lieux vraiment publics. Est-ce que à ce moment-là, tu vas adhérer au passeport vaccinal? Non. OK. Si on Même t'a. s'ils mettent un fusil sur la terre, sur la tempe, puis qu'ils disent, si tu veux continuer à vivre, là, ça te prend là, ton triple vaccin à tous les mois ou à toutes les années, là, plus, là, mettons un double vaccin aux 6 mois, peu importe, je vais dire, ben, tire. OK. Tu vas tirer. Parce que moi, c'est non, rien que par principe. Puis mon instinct de préservation, il n'est pas le même que d'autres. Moi, je le sais que j'ai d'autres corps, puis je n'ai pas tiré. M'en fous, là, tu sais. Moi, c'est bien dommage. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils se mettent à envoyer le monde qui veulent pas tempérer, je suis dessus, moi, en camp de vacances, là. Dans des camps COVID, des unités, ça s'appelle de Ben, j'ai surveillance pour dit à mon frère, OK, on y va. des unités de quarantaine, donc Tu serais prêt à aller dans des camps Ben de oui. détention COVID? Je vais y aller même. Tu sais, je vais y aller en bougonnant, genre je le savais. Mais dans le fond, c'est parce que c'est juste à ce moment-là, je vais me rendre compte si je le savais ou si je ne le savais pas. Mais il reste que moi, c'est bien de valeur, mais juste pour le principe, c'est non. Ça va être non. Ça va tout le temps être non. Même si tu me passes une torche à soude en dessous des pieds, ça va être non. Fait que là, j'y allais avec le bâton, c'est-à-dire la menace, mais il y a aussi la carotte qu'on utilise de plus en plus au Québec, dans le sens qu'à l'origine, ça a commencé avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui propose aux gens, s'ils se font vacciner, d'avoir un hot dog. Les Mais je suis un ministres. ministre de la Santé. Si tu te fais vacciner, moi, te payer du fast-food. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est un petit peu contradictoire, là. Il encourage la malbouffe pour les gens qui se font vacciner. Il veut-tu qu'on devienne l'air aussi malade que lui, aussi laid, aussi flasque, aussi. Ça m'intéresse pas. Excusez. Mais lui, il me fera jamais. J'étais. Non, non. Moi, Ben, c'est bien de valeur, c'est-à-dire, c'est une mais. première étape tentative avec la carotte. On dit, tu vas avoir un hot dog. Ensuite, on a sorti la loterie COVID, c'est-à-dire des prix jusqu'à 2 millions de dollars que tu peux Ah ouais, gagner. même pour 100 milliards, j'en veux pas de ton vaccin. Il veut que je me fasse vacciner, force-moi. Moi, j'aime bien mieux vivre d'une façon austère et frugale que tout l'argent du monde. Parce que je m'en fous. OK. C'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est la mémoire que je suis en train d'enregistrer. Puis ce qui va. C'est comme si j'étais déjà plus là pour moi. Ça change rien. Ça change rien. C'est un clin d'œil, une vie. Ça dure tellement peu de temps. Par contre, ce qui est enregistré, ça, c'est pas pareil, là. Ça l'est pour longtemps, parce que si tu manifestes une vibration, un peu comme Bernard de Montréal, ça fait quand même plusieurs années qu'il est mort, puis on en entend encore parler aujourd'hui, puis ça fait encore travail, Ben cet oui, enregistrement. même s'il coupe Internet, puis même s'il enlève tous les supports physiques, ben oui, mais la couche électromagnétique est encore là, puis c'est encore enregistré, puis ce qui m'habite va en habiter un autre. Ils ne peuvent pas empêcher l'esprit de traverser ça. Ils ne peuvent pas. Puis, à mes yeux, ça, c'est plus important que le reste. Moi, je m'en fous. Ben, mettons, là, qu'ils auront beau, là, essayer de faire n'importe quoi, là, ils vont se rendre compte qu'il n'est pas plus entêté que moi. Quand, là, ça dit, là, si on prend ton manteau, ben, si on prend ta tunique, donne ton manteau. Si on prend ton manteau, donne ta tunique. Ben, moi, je vais aller jusqu'à donner mes bobettes puis mon poil, c'est faux. Il n'y en est pas question. Ça marchera jamais, puis je changerai jamais d'idée. Puis je suis pas du genre à changer d'idée. Il y a des choses que ça fait. Depuis que je parle, que j'ai pas changé d'idée. Puis j'ai parlé ben, ben de bonheur. Mais c'est sûr que je peux le confirmer là, quand même, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on fait des enregistrements ensemble, puis je peux dire que ton discours au fil des ans demeure cohérent. Donc quelqu'un pourrait réécouter Ben. ce qu'on a discuté ensemble en 2017, puis verrait la continuité avec ton propos d'aujourd'hui, là. C'est sûr parce que je suis sincère dans ce que je dis. Ce que je dis, c'est parce que je le pense, mais dans le sens que ça se vienne de moi ou pas, c'est ça que je dis. Puis c'est parce que c'est ça que je pense, c'est ça que je considère, c'est ça que je vois. Je ne vais pas changer d'idée, je ne peux pas changer d'idée. Les événements, ils me confirment tout le temps, au niveau de là, du fond de l'essence des choses. Fait que, non, non. Ils auront beau là, me dire là, bon, ben là. Tu te soumets ou on te passe, on te coupe le cou, ben je vais te dire, ben OK, on va me couper le cou. Je m'en fous. C'est pas long, là. Tu sais, je veux dire, Mais le avant docteur ça, guillotin, ils peuvent chercher à travailler, c'est-à-dire que progressivement, on il dépossède des s'essaye. droits les plus élémentaires, comme accéder à des lieux publics, le cinéma. Ensuite, tranquillement, ça en devient dans le plus essentiel, comme l'accès à l'épicerie pour acheter ta nourriture, Moi, je l'accès me au suis logement. testé. Ça fait 25 ans que je me prépare. Je peux toffer une semaine sans manger. C'est bien de valeur, mais je me suis testé. C'est des éventualités que j'envisageais il y a 20 ans. OK. Je me suis tout le temps préparé à ce qui se passe là. C'est juste que je pensais pas que ça allait prendre cette forme-là. Je pensais qu'il y aurait une guerre avec l'Iran. Puis il va peut-être en avoir une pareille. Mais il reste que. Les restrictions qu'on nous donne là, je me suis préparé toute ma vie à ça. Au cinéma, j'y vais pas. Au restaurant, je vais déjeuner de temps en temps, mais c'est pas essentiel pour moi. Je comprends. Sinon, tu fais pas de sport d'équipe non plus. Ben Tu non. n'as pas besoin d'avoir accès au gym. Ben non. J'ai mes propres méthodes d'entraînement, j'ai besoin de personne. J'ai passé toute ma vie à essayer de pas être d'avoir un système nerveux assez fort pour puis je me suis arrangé pour être dans la misère une partie de ma vie, puis je le savais même pas que je faisais tout pour ça, je m'en rendais même pas compte que toutes les situations qui me mettent en colère, que j'ai vécu, que c'est important que je les vive. Parce qu'il y a de quoi de plus intelligent au-delà de mon ego, que lui, je suis en training depuis que je suis au monde. Que je me prépare sans le savoir pour tout ça. Donc, tu étais préparé malgré toi par l'esprit pour les événements qui se déroulent présentement. Ben oui, fait que, tu sais, je veux dire, au cinéma, je ne vais pas, au restaurant, je ne vais pas. Je vais de temps en temps, mais je peux m'en passer. Puis, je veux dire, un téléphone intelligent, j'ai même jamais eu de cellulaire. J'en aurai jamais. J'en ai pas besoin. Mais quand même, tu sais, on se parle présentement à travers la technologie qui est Internet. Donc, Oui, parce que j'aime ça, prendre les armes de l'ennemi pour les retourner contre lui. Le temps que je peux. OK. C'est parce que l'Internet, moi, à mes yeux, c'est une invention que j'ai tout le temps détesté la technologie. Et j'ai jamais connu quelqu'un qui haïssait autant la technologie que moi. Pourtant, je l'utilise. Pourquoi? Pour la retourner contre eux autres. C'est la seule raison. Parce que sinon, je serais allé vivre avec des mnémonites tant qu'ils ne me mettent pas dehors. Moi, j'aimerais bien mieux vivre avec des lampes à huile d'une cabane à prendre soin des chevaux, puis. Ça m'intéresse pas, cette société-là. Je l'ai tout le temps haï toute ma vie. Depuis que je suis tout petit. Ma mère pourra en témoigner. J'ai tout le temps été contre la technologie. J'ai tout le temps haï ça. Ça m'a tout le temps pu au nez. J'ai jamais chauffé un char de ma vie. J'ai planté des centaines d'arbres. Tu sais, Greta, elle viendra me dire, moi, que j'ai une facture Une à dette payer. écologique comme une dette karmique là, vers les prochaines générations parce que tu serais un méchant pollueur. J'ai pollué bien moins qu'elle, ça c'est sûr, puis elle est pas mal plus jeune que moi. Puis Greta Thunberg, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais à un moment donné, elle dit publiquement dans un de ses discours, elle dit « Je veux que vous souffrez et que vous ressentez la souffrance que je vis à chaque jour. » Il y a un côté Quelle sadique. souffrance! Hey, c'est une petite perle qui est venue au monde dans Wattel. OK? Ses parents font partie de l'élite de son pays au niveau culturel. Sa mère, une chanteuse d'opéra, puis son père, il me semble, c'est un producteur. C'est des petits chouchoutés qui nous font la morale tout le temps. Comme ici au Québec, c'est un metteur en scène de théâtre qui mettait ça en place. Puis c'est du monde, ils savent même pas ce que ça veut dire souffrir. Moi, j'ai enduré des rages de dents jusqu'à ce que la dent meure. Ouais. Plusieurs fois. OK? Puis, quand j'étais petit, à un moment donné, j'ai eu une crise d'appendicite. Ma mère, pour se rendre compte que j'étais vraiment malade, c'est parce que je vomissais de la bile noire à terre. Yes. Parce que j'endurais mon mal. Puis, j'ai eu une péritonite, puis ils m'ont sauvé de justesse. Puis, pendant tout ce temps-là, intérieurement, moi, je disais, je vais endurer jusqu'à la fin, puis, même qu'on soit l'autre bord, vous allez avoir affaire à moi. Puis, j'avais 12 ans, là. Ouais, Parce t'étais que, je jeune. dis, si vous supposez survivre, puis tout, je survivrai. Mais j'ai enduré mon mal. Et c'est bien dommage, mais pour moi, c'est pas tant que ça. C'est pas si pire que ça. C'est la souffrance, là. Ceux qui en parlent le plus, ils savent même pas c'est quoi. Un autre Ils ont pas bien ben paradoxe. souffert. Ouais. Mais c'est sûr que présentement, la souffrance au Canada, grâce au programme généreux du gouvernement, PCU, PCRE, il y a des gens qui reçoivent de l'argent depuis plusieurs mois. C'est sûr qu'on s'endette à vitesse grand V pendant ce temps-là. Mais je veux dire, il n'y a pas présentement d'hyperinflation. Il y a beaucoup de gens qui avaient des craintes là, il y a quelques mois que, ben, à un moment donné, à force que l'argent va être mis dans l'économie par le gouvernement, les prix n'auront pas d'autre choix que d'augmenter. Mais ça, pour Ben l'instant, oui. ça n'arrive pas. C'est un plan d'endettement. Le Canada, il n'avait même pas besoin d'avoir de dette extérieure. Et puis Pierre-Elliott Trudeau, il a fait voter une loi par rapport aux banques pour qu'on s'endette. Puis le fisc continue sa grande œuvre. Mais leur grande œuvre, il est voué aux flammes, il n'en restera rien. Mais c'est parce que ce qui va rester, ben, il restera rien. En fait, c'est si le grand reset qui s'opère parce que le Canada est trop endetté comme la France, d'autres pays, ben, à un moment donné, ils vont une réinitialisation de l'économie en faveur des banquiers et ceux qui vont prêter l'argent aux C'est ça. États-nations. Donc, ça risque d'être des forces mondialistes, puis là, mettre en place l'argent, la monnaie virtuelle. Donc, une espèce de Mais crypto-monnaie, là, un peu comme le Bitcoin, là, ouais. c'est ça. Ben, eux autres, ils vont tout le temps aller vers une subtilisation de la matière, puis avec dans un monde numérologique. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent qu'on s'en aille vers des valeurs abstraites, mais concrètes, pareil, là. Mais ils veulent éliminer les supports. Oui, Puis ben là, on je parle parle au d'une sens dé... littéral. oui, ben une dématérialisation de la monnaie et de l'économie. C'est sûr parce que c'est comme. En tout cas, il y aurait plusieurs exemples à. Mais tout ce qui est réceptacle de l'énergie, eux autres, ils veulent l'énergie. Fait que c'est juste ça. Mais il reste que. Ils sont en train de nous endetter exprès. Puis ça a tout le temps été comme ça. Puis Mais là, ça. on a l'impression que ça s'accélère. Si on pense, par exemple, à l'année 2020, j'écoutais un économiste français sur YouTube qui disait que, par rapport au Canada, que le taux d'endettement était de 80% du PIB et passé à 120% lors de l'année 2020. Là, un bond incroyable d'à peu près 400 milliards de dettes de plus. Donc là, il y a un gap là, qui est franchi, là, je veux dire, là. Ben oui, mais eux autres, ils ont pour leur dire que, justement, de toute façon, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il n'y a plus pouvoir régalien d'imprimer une monnaie dans aucun pays. Je veux dire, peu importe la monnaie que tu imprimes, il n'y a pas le support. Tu n'auras pas L'étalon or, là. C'est ça. Fait que ça, c'était le pouvoir des rois. Oui, parce que la monnaie est plus payable au porteur, mais c'est de la monnaie scripturale. Fait que là, tu sais, la Révolution française, c'était déjà, là. C'est le roi, là, lui, sa mission, là, c'est que son peuple soit heureux. Que son peuple ait à manger, qu'il soit heureux. Ben, Puis, si on c'est parle pas. d'un bon roi. Parce qu'il peut y avoir des rois aussi qui peuvent être sadiques ou Ben oui. Mais techniquement, là, anciennement, dans certains systèmes, si le paysan, par exemple, était plus capable de cultiver sa terre, le roi, il était. Mais ça, on faudrait remonter à loin, là. Puis là, c'est des affaires que c'est pas intéressant, dans le fond, là. Les rois fainéants, là, fainéants, c'est-à-dire défaits, puis que les maires du palais, puis ces histoires-là. Mais la première mission d'un roi, c'est que son peuple soit heureux, que son peuple ait une bonne vie. Puis lui, il est redevable, là. Lui, c'est le bouc émissaire ultime, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable on disait dans le temps, devant Dieu. C'est lui qui va porter la faute si son peuple, s'il fait souffrir son peuple, c'est lui qui prend tout, lui, le karmique de ça. C'est comme dans le temps, là, le bouc émissaire, il prenait un bouc, puis il mettait tous les péchés d'Israël dessus, puis il l'envoyait dans le désert. Il y avait une cérémonie où il couronnait, puis tout. Puis après, quand on regarde le symbolique de, bon, l'affaire de bouc, puis de blablabla. Si on regarde au-delà de la forme, c'est les mêmes vieilles affaires, c'est la même vieille guerre. Puis c'est normal qu'il y ait la guerre contre le peuple. Fait Autrement que. dit, si le roi était bon comme un peu la gardienne d'enfants, garde la terre, si on fait un parallèle, ben il est redevable à une autorité au-dessus de lui, auquel il doit rendre des comptes. Ouais. Puis c'est une autorité sans faille qui est au-dessus de lui. Puis c'est sûr, tout se paye. Mais là, eux autres, ils veulent pas payer. Ils arrêtent pas de remettre. À Hey, plus ça tard fait. le paiement, puis ça me fait penser à notre situation d'endettement là, des principaux, ben en fait, la plupart des pays occidentaux là, présentement, où on sort la carte de crédit, puis les programmes gouvernementaux, si on regarde ce qui se passe au Canada, c'est sans doute la même réalité dans d'autres pays. On a eu le programme de PCE, où ce qu'on donne un montant d'argent chaque semaine aux gens. Ah, c'est à cause de la crise en attendant. Là, Ils par... maintiennent ça pour maintenir le manque de personnel pour que des particuliers fassent faillite. Ben, on a, c'est ça, j'allais en venir, c'est qu'on a créé d'une manière artificielle une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Parce qu'il n'y en a pas de crise, hein? Une crise, là, c'est quand il n'y a plus personne qui a le contrôle de rien. Ils ont encore le contrôle du tout. Fait qu'il n'y a pas de crise encore, là. C'est tout du théâtre, c'est tout de la mise en. La mise en scène. Ben oui, puis c'est un peu comme dernièrement, là, j'étais allé à l'épicerie, puis il n'y a pas de personnel. Ben oui, mais s'il n'y a pas de personnel, il y en avait du personnel, mais ils veulent pas prendre un vieux monsieur que lui, il plaçait des affaires dans les allées, puis il donnait le numéro d'une caisse pour qu'il puisse ouvrir une caisse. Ils veulent pas. Puis même, ils vont demander aux caissières d'aider les gens à s'habituer aux caisses robots, là, automatisées. Oui. Il faut que les gens soient naïfs, là. C'est sûr que moi, ça me met en colère d'une façon épouvantable. Puis le dernier coup que je suis allé à l'épicerie où j'allais, j'ai fait ma crise, puis je suis parti. Mais il n'y a personne qui a rien osé dire. Voilà, c'est sûr qu'ici, ma réputation est faite, là. D'habitude, le monde, ils ferment les yeux. Ils savent que. Mais c'est sûr qu'on regarde la pénurie de main-d'œuvre qui est créée, parce que lorsque les gens qui nous écoutent en Europe ou ailleurs, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'au Québécois, au Québec, le programme de la PCE donne 2 000 $ par mois, ce qui peut représenter davantage que le salaire d'un caissier, là, ou Ben d'un oui, c'est voulu commis. comme ça. Mais ben oui, mais le monde, il pense pas à long terme. Ils se rendent pas compte. Dans le fond, là, ils devraient prendre ces 2 000 $-là puis s'arranger pour créer un commerce. Ils devraient en profiter, ces employés-là, pour créer un commerce avec leur propre boss, puis quitte à avoir eu des employés plus tard, parce qu'à un moment donné, ça va arrêter ça. Puis là, ça va être quoi? Le chômage à large échelle, puis là, c'est le Ben, ça va être gouvernement le qui va revenu distribuer minimum la bouffe. garanti, c'est ça que j'allais en venir. C'est que le programme de PCRE, qui était urgence, le temps que la crise se règle, est prolongé de mois en mois, puis là, ça fait au-dessus d'un an et demi qu'il est prolongé. Puis la prochaine étape que je vois, c'est la mise en place d'un revenu minimal garanti qui Ben, ça va être ressemble l'ex. à Oui. comme la Russie puis la Chine. Moi, à mes yeux, ça a été des laboratoires, ça a été financé de l'extérieur. J'ai jamais cru, hein, au péril jaune. Moi, à mes yeux, ce qu'il y a en arrière de ça, là, c'est pas les Chinois, là. Ils se sont fait avoir, eux autres. Puis, c'est pareil pour la Russie. Ben, c'est sûr que, comme on en avait déjà parlé, l'Angleterre, qui a eu des colonies un peu partout, dont Hong Kong en Chine, a ses tentacules un peu partout et va tenter différentes expériences, des fois à visage couvert, des fois c'est-à-dire couvert ou découvert, là, tout dépendant le pays. C'est comme la France, c'est le laboratoire des Américains. Puis, tu sais, c'est tout lié. C'est bonne valeur, là, mais depuis quand que les nazis sont retirés du territoire français, il n'y a jamais eu de libération. S'ils ont changé de maître, c'est là, c'est rentré les Américains. Mais c'est pareil, le Japon, il y a combien de bases américaines au Japon, puis en Corée du Sud, puis dans le Pacifique? Mais c'est tout le même ADN, le même. Tu sais, c'est comme pourquoi anciennement, c'est les rois anglais, là, ils étaient sacrés sur une roche. Puis quand ils font un sacre, ils ressortent la roche, puis ils remettent dans leur, tu sais, l'espèce de trône qu'ils ont, là, ils prennent tout le temps ce trône-là, puis ils remettent la roche. C'est vieux, là. C'est vieux. C'est des vieilles affaires, puis on a affaire à des barbares. Mais là, je ne suis pas en train de dire que les Anglais, c'est pas du bon monde. C'est pas ça, là. Je parle pas du peuple. De toute façon, la reine, c'est même pas une Anglaise. Tu regardes son pédigree. Elle est plus parente avec Charlequin et compagnie, dans le fond, là, qu'il était tellement consanguin pour vrai, lui, qu'il avait la mâchoire, il pouvait même pas se fermer la bouche. Puis lui, il est en guerre contre qui? François Ier. C'était ça, son opposant principal. C'est des vieilles, vieilles choses. Puis. C'est dommage, mais ça peut pas bien finir. Ben, ça va être bien après que ça soit fini, Bien, mais après ça. l'apocalypse, il va y avoir l'apothéose. C'est ça. Mais avant ça, bien, on a une situation à contenir, à composer avec sur le plan mondial où il y a l'imposition progressive du passeport vaccinal, des mesures de contrôle technologique. Toi, est-ce que tu vois ça comme étant inévitable, une espèce de fatalité qu'on va passer par rapport à ça, où il y a la possibilité que des gens fassent des manifestations, des pétitions, Les qui. manifestations sont voulues. Les guerres civiles qu'il va y avoir, c'est tout voulu. Ils veulent essayer les machines. Ils ont des affaires, là. C'est comme les choses à micro-ondes pour repousser la foule, là. Oui. Ils n'ont pas encore sorti ça, mais ils vont les sortir à un moment donné. Je suis certain, ils n'ont pas dépensé autant, puis. Pour développer ça pour rien, là, donc extreme low frequency. Ben là. C'est comme ce qui est arrivé au Rwanda, là. J'y crois pas, moi, à leur guerre civile, que c'est les Hutus puis les Tutsis. Non, c'est encore une expérience. Puis c'est drôle, ça a passé par la radio. Mais il y avait-tu autre chose? Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est pas normal. C'est pas des fous, les Rwandais, là. C'est pas normal ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose, il y a eu une expérience. Ils ont réussi à modifier le comportement des gens, les conditionner, puis après ça, ils ont starté, je sais pas quoi, ça a passé par des ondes. Mais il y a aussi des égrégores astraux extrêmement lourds associés à différents peuples par rapport à du mémoriel. Les Hutus puis les Tutsis, avant que les Belges arrivent, ils étaient amis. C'était pas des peuples qui se faisaient la guerre tant que ça. C'est les Belges qui les. C'est les coloniaux qui ont. C'est pour ça que je parle du conditionnement, puis la mise en situation, puis. Tu sais, c'est drôle, hein? C'est comme. Regarde, là, la guerre de l'opium qu'il y a eu en Chine, puis là, l'impératrice, elle a été. La deuxième guerre, elle a été complètement dépassée. Mais avant ça, t'as eu T'as eu des missionnaires occidentaux qui ont financé les Taiping, la révolte des Taiping. Elle était épuisée, là, la Chine. C'est la guerre civile qui a fait le plus de morts dans l'histoire connue, la révolte des Taiping. Puis c'est drôle, il en parle pas bien ben de ça. C'est pas très connu. Mais ça a passé par des missionnaires chrétiens qui ont monté la tête à un fou, puis il était. Tu sais, c'est incroyable. C'est incroyable comment ils sont habiles. Mais ça, c'est parce qu'ils connaissent l'âme, parce que c'est de la connaissance. Mais là, à un moment donné, il faut que ça finisse. Le symbole des initiés de la connaissance, c'est le phénix. C'est un être cyclique qui renaît de ses cendres. Puis Exactement. ça tourne en rond. Mais c'est tout le temps le même oiseau. C'est tout le temps le même maudit oiseau. Mais à un moment donné, ça va finir, là. Ben, il y a eu après ça le j'aime au cœur là, dans le film The Hunger Games, là, qui est devenu un symbole qui a été utilisé là, là. C'est toutes des affaires que je connais pas, ces films-là. OK, ben C'est ce ça. qui est récent, là, le cinéma récent, je le connais pas très Non, bien. mais c'est pas grave, là, mais J'espère. mais c'est Un ça. autre de leurs symboles, c'est la licorne, OK. qui est un symbole de l'illumination, parce que d'ailleurs, c'est Le troisième universel. œil entre les deux yeux qui devient la corne, C'est ça. comme un Ben, faisceau de lumière, un faisceau comme un rayon laser. c'est un peu, puis ça, tu retrouves ça partout. Même en Chine, là. Fait que t'as la licorne, là, c'est une espèce de cheval dragon qui a une corne, là. Des fois, il y en a deux, mais souvent, il y a juste une corne, c'est une licorne. Mais c'est encore les initiés de la connaissance, puis c'est universel. Puis pourquoi c'est universel? Parce que, comme tu le disais, il y a des égrégores. C'est-à-dire de la mémoire, puis Oui, fait que les psychologues jungiens, s'il y en a qui nous écoutent, ben ils vont pouvoir décoder la licorne comme un symbole avec un patrimoine universel dans l'inconscient collectif. Puis là, si tu fais un rêve puis tu vois une licorne, on dit ça veut dire telle chose qui te Ben, ils rattache n'ont au pas tort sur collectif. une affaire, c'est que l'aspect cheval de la licorne est lié à la libido. OK. Tu sais, c'est bien gros lié. C'est pas pour rien là, que ce monde-là, ils ont rien que l'argent et le sexe dans la tête. Que c'est des vraies obsessions. C'est comme là, il y a une nouvelle église, là. Ben, il y a une église là qu'il y a le mot Shekinah dedans. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, OK. Parce que pour moi, la Shekinah, c'est une vieille, vieille arnaque. OK, c'est quoi? Ben, c'est dans le temple de Salomon, quand tu arrivais proche du Saint des Saints, il y avait un rideau où ce que les prêtres sacrificateurs, ben, prêtres au niveau antique, c'est tout le temps un sacrificateur. Ils prenaient un peu de sang de la vache rousse avant qu'elle avait été immolée, mais ils recueillaient le sang puis ils en jetaient un petit peu en avant du rideau. Derrière ce rideau-là, il est censé avoir la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu, la présence divine. Mais c'est drôle, ça, par après, t'as Jérémie qui dit, il est habité, mené par l'esprit, puis il dit, j'ai jamais demandé de sacrifice. Vos holocaustes me puent. Puis, c'est pour ça, mené, t'as le Nazaréen, il arrive, puis il dit au prêtre, il dit, vous avez pour père le diable, puis il a été menteur, puis meurtrier dès le début. Parce que ces temples-là, c'est des arnaques. C'est une arnaque. Il n'y a personne qui avait le droit d'aller voir ce qu'il y avait en arrière du rideau. Bien, ça Mais crée c'est un sûrement pas un fou mystère. sacré. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis, à quelque part, c'est contradictoire avec la vision du Dieu d'amour s'il demande des sacrifices d'animaux ou même d'humains, là. Ben, c'est parce que anciennement, dans l'Antiquité, à des époques plus barbares, on pourrait dire, il faut qu'il y ait un commerce de l'énergie avec ce qui est électromagnétique, puis pour bon. Fait que les prêtres, un prêtre, c'est tout le temps, au niveau de la pensée antique, c'est tout le temps un sacrificateur, tout le temps. C'est pour ça qu'il y en a qui ont dit que le Nazaréen, c'était le dernier prêtre, parce qu'il s'est sacrifié lui-même. Mais c'est ça, là, l'agneau, là, qui saigne pour sauver le monde. Puis, mais l'affaire, là, c'est qu'à cette heure-ci, ça, c'est compris, puis c'est intégré. Toute personne qui se dit un prêtre est un crosseur. Il ne peut plus en avoir de prêtre qui se dit ou qui se réclame de ça, en tout cas. Parce que c'est contradictoire, ça ne marche pas. C'est pour ça que les Exactement. protestants disent son pasteur. Mais là, au moins, quelqu'un qui mène des moutons. Un pasteur, c'est quelqu'un qui mène des moutons. C'est ça, un pasteur. Bon, est-ce Fait qu'on que... peut dire que notre premier ministre du Québec, François Legault, qui mène le peuple québécois vers la voie de la vaccination, est une forme de pasteur 2.0? Ben, moi, ça me fait penser les contes de Perrault. Tu sais, le loup qui s'était déguisé en berger. C'est un pasteur dans ce genre-là, à mes yeux. Tu sais, c'est comme on a du monde, là, comme qui sont dans l'ésotérisme, puis tout. Puis dès que ça devient intéressant, là, fou, ils font baisser la vibration, puis ils détournent. C'est ce qu'on appelle un gardien de ça. Moi, à mes yeux, là, lui, il est là pour empêcher. Parce que quelqu'un, par exemple, qu'il va sacrifier sa vie pour créer une nouvelle mémoire, amener du nouveau, lui, il crée une porte comme dans le. Dans la couche électromagnétique, il crée une porte dans le mémoriel, puis pour atteindre le. Pour que l'esprit descende, ou que peu importe comment qu'on voit ça. C'est comme la croix. J'ai souvent entendu, oh, c'est un instrument de torture, puis tout. Ben, il y a un instant. L'horizontal représente le planétaire, puis le vertical représente l'esprit qui descend. Fait que, là, ils nous parlent, ils veulent enlever les croix d'en avant les écoles. Mais ça représente une potence qui est un endroit où ce que des Oui, gens parce étaient qu'on en a tués. fait une potence, mais ça peut être ce que tu veux. Je veux dire, si tu regardes au-delà de la forme. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est sûr que j'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité de la population qui veut pas ça puis qui est pas prête pour ça. Puis on est supposé être dans une démocratie. La majorité des gens qui ont voté pour François Legault, ils voulaient pas qu'il enlève le crucifix de l'Assemblée nationale. C'est la première chose qu'il a faite. Drette là, si vous le voyez pas, que ce bonhomme-là, c'est un traître, ben hypocrite, il y a un problème. En Ben, plus, ils se mettent des petits gants. C'est genre, oh, c'est un objet patrimonial, fait qu'ils se mettent des petits gants. Non, non, non. on y fait attention que nos gants, on est respectueux comme quelqu'un qui fait de l'entretien d'œuvres d'art. C'est de la fausse pudeur, puis c'est indécent. C'est comme l'histoire des tabliers, là. C'est comme, tu sais, tantôt, je te disais, le voile dans le temple, puis t'as le Saint des Saints en arrière. Ben, ils se mettent un tablier en avant du pocheton, eux autres. Parce que c'est ça, leur dieu, dans le fond. C'est bien de valeur, là. Mon affaire a des affaires tellement... Puis ça prend ça prend des aspects cérémonieux, puis... Mais c'est comme ce qu'on appelait des sépulcres blanchis. Il y a une affaire, un tablier tout beau en avant, puis tout en arrière, c'est rien que la pourriture, puis de la corruption. Non, Moi, je le vois comme ça. exactement. En fait, je voulais t'amener, entre autres, dans la capsule aujourd'hui, à réagir un peu par rapport au fait que, bon, récemment, on t'a vu sortir de ta retraite que tu avais pris d'un certain temps parce que tu avais une chaîne YouTube, tu as fait plusieurs vidéos, puis là, tu avais arrêté, puis là, pendant la crise présente, là, tu as eu comme l'impulsion de ressortir publiquement puis de parler. Donc, il s'est passé un mouvement d'énergie important, je pense, chez toi, là, dans les derniers J'ai jours. récupéré beaucoup d'énergie, je me suis recentré, puis j'ai eu la vibration de revenir. J'avais la force de. Moi, je suis prêt à. Tant que je vais pouvoir. Parce que je ne changerai pas d'idée. Mais, bon, non, j'ai eu la vibration. C'est dur à expliquer ça au monde que moi, je prends pas de décision. Je ne sais pas d'une journée à l'autre ce que je vais faire. De toute façon, j'ai même plus de. J'ai de la misère, là, juste à me souvenir de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Penses-tu que je vais faire des projets, que je vais... J'ai plus un mode de pensée normal. Non, je comprends, tu ne fonctionnes pas dans un mode réflexif. Fait Je que suis même plus bref, tu as été capable. mis en vibration de ressortir, puis moi, ma curiosité, c'était par rapport à l'époque présente où on voit que le scénario de crise sanitaire, on est en train là, de s'enliser là, avec le passeport sanitaire dans des mesures qui semblent de plus en plus contrôlantes, qui sont sur le point d'être adoptées, là, notamment au Québec. Ben, c'est parce qu'il y a une guerre. Bon, ben, s'il y a une guerre, là. Hey, moi, je voudrais pas être. En tout cas. C'est dommage, là, mais c'est bien de valeur, mais il y en a qui ont des capacités. Puis, je veux dire, tu sais, mettons, là, quelqu'un qui décide, là, de ce que justement, ce qu'on, comme à Haïti, ce qu'on appelle le serment du cœur. Admettons quelqu'un qui est assez en maudit contre Christian Dubé, puis qui a certaines capacités, qui décide de sortir en éthérique, puis d'aller le voir dans sa chambre à coucher, puis d'y serrer le cœur jusqu'à ce qu'il en creve, ils vont faire quoi, eux autres? C'est pas dans le code criminel, ça. Il n'y a rien dans le code criminel qui punit la télépsychie. Puis tu peux pas le prouver, puis tu peux rien faire. Fait qu'il pourrait arriver à des hasards. Des hasards troublants. Moi, là, je surveillerais bien gros ce que je fais à leur place. Parce que eux autres, c'est des initiés de la connaissance, mais c'est des petits Joe connaissants, ils savent rien, dans le fond. Ils sont exécutants, puis ils font ce qu'on leur demande, puis c'est tout hiérarchisé, il y a Non, c'est des ça. Moi, je étoiles. suis pas mal sûr que Christian Dubé, il connaît pas tous les détails de l'agenda transhumaniste puis l'agenda 2030 même, tu sais. C'est sûr. Donc, il Parce que c'est exécute. comme. Regarde le maire de ma ville, là. Il a fait, lui, il a publié son agenda 2030, là. Ah, telle patente. Puis c'est toute vague, hein? Parce que dans le fond, ils ne savent pas ce qu'on va lui demander plus tard. Je suis pas mal sûr que Horacio Arruda, qui se promène toujours avec son épinglette, l'agenda 2030, avec les objectifs globaux en couleur, ça représente une espèce de risque d'œil là qu'on voit avec sa pine, qui sait même pas toutes les implications que ça a, tu sais. C'est évident. Dans du Mais. communisme, Staline parlait d'idiot utile. C'est ça. Ah, ben, c'est parfait comme terme. Mais je pense que tu allais en Puis. venir à ça toi aussi, là. Ben là, tu regardes Staline, lui, c'est de promouvoir l'athéisme, puis blablabla. Puis ici, le monde, supposément, lui, que c'était des affaires beaucoup liées à lui, c'est un Georgien. Puis il y avait beaucoup de choses dans sa bibliothèque que c'était toutes liées à. C'était pas mal, ça parlait pas d'athéisme. C'était des livres de sorcellerie puis de cossins de main. Puis eux autres, tu sais, je veux dire, c'est spécial, là, mais j'ai jamais entendu parler d'un haut placé politique que si tu grattes pas un peu, qu'il y avait pas derrière des intérêts pour ça. C'est ça, un esprit de corruption. Puis c'est des niaiseries, là. Je veux dire, ce qui les intéresse, c'est des conneries. T'sais, des sparages puis des simagrées. Puis finalement, ça va les desservir. Puis s'il faut mourir en chemin, moi, ça me dérange pas. Puis je suis pas quelqu'un je suis pas un dissident, puis je suis pas quelqu'un qui s'oppose, puis je fais pas d'action, puis je suis pas dans l'activisme. Puis moi, là, tout ce que je veux, là, c'est avoir la paix, là, un peu. Là, t'sais. Moi, tant que j'ai de l'eau à boire, puis que j'ai un endroit tranquille, puis je peux avoir la paix, puis. Mais même là, je veux dire, c'est tellement court une vie. De toute Exactement, c'est façon. tellement éphémère. Donc, mais en même temps, je voulais aussi te mentionner, parce que donc tu as ressorti publiquement, tu as fait des vidéos où ce que tu as porté un regard très critique par rapport, entre autres, à nos politiciens québécois. J'étais en contact avec des gens là, sur Internet, là. D'ailleurs, j'ai salué, il y en a qui m'ont écrit en particulier sur Facebook, puis il y en a qui trouvaient que tu étais beaucoup dans une espèce de critique acerbe par rapport aux politiciens, puis que, il y en a qui me disaient qu'ils ne proposent pas de solution, ils font juste chialer contre les politiciens. Ah, ben là, c'est parce qu'ils comprennent pas pourquoi. Parce qu'à un moment donné, ce qui devient complice, c'est de rien dire. Fait que c'est juste pour dire de quoi. Mais c'est aussi pour que ce monde-là soit énervé un peu. On n'est pas tous des caves. Fait qu'il Exactement, mais faut. pour les gens qui disent qu'il fait juste critiquer, il fait juste gueuler, mais il propose pas de solution, le mec. Qu'est-ce que tu veux proposer? C'est tout décidé d'avance, puis on gagne, de toute façon. Mais c'est juste qu'il faut assumer son rôle. Mais tu C'est n'aurais pas tout. une alternative en matière de gestion de J'en ai crise? parlé. Non, non. Ben là, il n'y a pas de crise encore, je l'ai Non, mais dit. par rapport à la crise sanitaire, le coronavirus, si tu étais à la place au gouvernant, au lieu de mettre en place un passeport sanitaire, qu'est-ce que tu ferais? Gars, là, je peux pas me mettre à la place de du monde que c'est d'un bout à l'autre, c'est même pas eux autres qui décident. Qu'est-ce que tu veux que je propose comme alternative? Bien, il y a eu la Suède qui a proposé plus de liberté en matière de gestion de Gars. crise que le modèle québécois. Gars, là. T'as-tu déjà entendu parler de la marque de Dan? Non. Je vais t'en parler de génétique. Ben, OK. c'est de là que vient le mot Danemark. Non, de. Regarde, là. Il y a une guerre, puis elle n'est pas à ce niveau-là.

Ils peuvent aussi bien sortir, ben moi je suis un secteur dangereux, puis je peux être dangereux pour les gens qui sont mentalement instables, puis tout ça. Mais regarde, moi j'ai jamais demandé une scène. Je veux pas avoir de pouvoir sur personne. Je veux juste rester tout seul chez nous, puis avoir la paix. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent me reprocher dans le fond? Puis, c'est un peu ben, comme même quand tu avais des dons, puis tu veux m'en donner, genre, non, non, j'en ai pas besoin. Moi, la job que je fais, je veux pas être payé pour, je veux payer pour. C'est bien différent. Autrement dit, tu es prêt à payer, entre autres, pour diffuser du matériel sur le web. Ben oui. À ce... Puis, Ouais. tu sais, comme là. J'ai des placements, je suis en train de tout perdre mon argent. Mais c'est pas grave. Tu sais, je pensais prendre ça pour fonder une compagnie de, voyons, une maison d'édition. Mais finalement, non. De toute façon, c'est pas moi qui décide. Tu sais, c'est eux autres des exécutants, moi aussi, qui part. C'est juste qu'on travaille pas pour les mêmes boss. Oui, parce On qu'il n'a y en pas le a qui même boss. exécutent les plans du plan astral, puis d'autres du plan éthérique. Et là, le conflit est en relation avec les deux factions qui, chacun, a un agenda divergent. Ben Oui. oui, tu sais, c'est un peu comme. Parce que là, ceux qui veulent jouer à ça au niveau politique, oui, il va y en avoir des émeutes, il va y en avoir des guerres civiles, puis tout. Puis c'est pas en proposant des alternatives que vous allez empêcher ça. Parce que c'est comme écrit, ça, là. C'est comme. Que nous autres, on est dans un espace-temps spécifique, mais si tu sors du temps puis de l'espace, il y a des affaires qui bougeront pas, il y a des formes qui bougeront pas, parce qu'il y a des cadres. Faut que ça soit de même. Il faut que ça soit comme ça. C'est pour ça, genre, que l'autre, il vient le chercher, baiser Judas, puis tout, puis il s'en va. Il dit, non, non, faut que je meure. Puis après ça, tout est accompli, blablabla, pouf, il est mort. Puis après ça, là, il y a quelque chose qui. Il y a un trou de fait. C'est pour ça qu'il disait d'enchaîner une porte. C'est ça le but. Si le but, c'est d'ouvrir une porte, je ne vais pas arriver puis changer la porte. T'sais, si le but c'est de faire qu'il y a un trou, je ne vais pas moi changer la porte qui bouche le trou. C'est ça les alternatives là, des politiques. Puis, yeah, le but c'est de défoncer la porte pour que ça passe. C'est tout. C'est pas d'aller changer la porte. Puis c'est pareil pour n'importe qui sait sincèrement puis qu'il le sait puis que c'est ça. Parce que là, c'est le temps d'ouvrir plein de portes. On va tout péter ça là. Puis paradoxalement, dans une période comme la censure, c'est jamais autant exercé sur les réseaux sociaux. Si on parle de Facebook, YouTube, il y a de plus en plus de censure. J'apprenais même que récemment, Éric Duhaime a été censuré dans une vidéo YouTube. Ben, ça Donc, vient de créditer, ça lui donne de la ben oui, crédibilité. comme chef du Parti conservateur, lui-même fait Ben oui. partie des gens qui sont victimes de la Ben, c'est censure. le triangle sauveur, bourreau, victime. C'est ça. C'est tout. C'est Ah. tout. C'est ça. Mais le point... Ce que je voulais t'amener, entre autres, dans l'enregistrement d'aujourd'hui, en voyant que l'étau se resserre, on est allé croiser les chemins, donc on est sur le point d'une ségrégation sociale là, sans précédent entre les vaccinés et non vaccinés. Il y a eu d'autres ségrégations sociales qui ont eu cours dans l'histoire, si on pense entre les juifs et les non-juifs. Il y a eu la ségrégation entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud, au sud des États-Unis, donc avec l'apartheid. Donc, par rapport à cette ségrégation sanitaire dans laquelle on est sur le point de rentrer, avec le passeport vaccinal qui va déterminer les citoyens modèles avec le passeport qui entrent dans l'ère numérique et les autres. Par rapport à tout ça, cette entrée-là dans cette ère nouveau-là, comment tu vois ça, cette polarisation qui se fait là présentement? Ben, ils sont en train de nous prouver qu'on n'a jamais été dans un état de droit, puis qu'on n'est pas dans un état de droit, parce que John Stuart Mill, il a défini l'état de droit comme étant la non-hiérarchisation des citoyennetés. Ils sont en train de hiérarchiser, de créer deux classes de citoyens. Donc, nous sommes en dictature. Puis ils sont en train de le démontrer, puis de le prouver. C'est tout. Ils se tirent dans le pied en même temps qu'ils, de toute façon, t'sais, ça fait partie de toutes ces choses-là qui font qu'ils veulent des révoltes. Il y en a, ils veulent essayer leur nouvelle bébelle. Ça va, il faut que l'heure Des soit nouvelles grave, genre. technologies de contrôle. C'est sûr qu'en même temps que ces événements se passent, curieusement, on parle de l'implantation massive de la 5G avec des relais un peu partout d'antennes qui vont transmettre des signaux qui peuvent avoir des impacts sur les appareils connectés, mais des impacts aussi à des niveaux peut-être que le grand public

Lui, tu savais pas qu'il allait. Non, non, moi, ben, c'est-à-dire, ça, je pourrais faire une capsule détaillée là-dessus là, pendant 1 heure de temps, mais ce que je pourrais dire que c'est un petit peu ambigu. C'est-à-dire que, dans un sens, il ne savait pas, mais en même temps, il savait qu'il allait mourir. Tout le temps de même. Ben, comment dire, je pourrais. Ben, j'avais fait d'ailleurs une capsule hommage là, suite à son décès, que vous pouvez retrouver, où ce que je fais allusion à certaines variables qui. Entrevoyait la fin. La dernière capsule vidéo que mis, c'était la fin d'un cycle. Puis là, sa vie prend fin, puis c'est la fin d'un cycle. Puis j'avais annoncé que j'arrêtais de faire des entrevues avec lui quelques jours avant qu'il meure, ce qui représentait la fin d'une collaboration. Il vivait aussi la fin de son couple avec sa compagne. Il était prévu de se séparer, là, en fait, déménager quelques jours, là, c'était au début de septembre, puis il est mort au mois d'août. Donc, il y a plusieurs fins qui prenaient cours dans sa vie, comme si c'était marqué énergétiquement. Puis lui-même, par rapport à certains propos, mais là, bon, le temps file, je ne l'aborderai pas en détail, mais ce que je pouvais dire, c'est que d'une certaine façon, au niveau de l'esprit, il savait qu'il allait mourir, mais il y a une partie de lui-même que c'était un peu voilé, mais c'est ça. Ben, si on regarde là, t'sais, on le sait pas, on le sait pas, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que on va savoir au niveau là, d'une conscience psychologique ce que l'ego est capable d'apprendre. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas en nous quelque chose qui sait tout. Je veux dire qu'il n'y a pas en nous quelque chose qui est au courant de tout déjà. C'est juste que ça parvient pas à l'ego. Mais il reste que dans le fond. Moi, je fais le même rêve là, quand j'avais à peu près 7-8 ans, j'ai fait plusieurs fois le même rêve, au point où ça m'a marqué. Que je marche dans la rue, j'entends un coup de feu, puis tout devient noir. Puis j'ai tout le temps été convaincu que j'allais me faire tirer de même dans la rue. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Au niveau de mon ego psychologique, je ne sais pas, j'ai des doutes en même temps que je pense bien que ça va être ça. Mais dans le fond, là, on a tout le temps un petit quelque chose qui fait que moi. Fait que, mais là, c'est parce que je vais en avoir dit des affaires pour être rendu à ça. Mais moi, mon père, souvent, il me disait, il me regardait, puis ben, j'y expliquais, tu sais, comme ce que je faisais dans le moment, là. Puis ça fait longtemps qu'il est mort, là. Mon père, il est mort en 2011. Puis des fois, je disais, là, je suis allé à telle place, puis je les ai regardés, j'ai dit telle affaire, puis tout. Puis il me regardait, puis il disait, tu vas te faire tuer. Puis, à un moment donné, l'autre jour, je faisais écouter une des choses que j'ai mises sur ma chaîne à ma mère. Puis, elle regardait ça, puis elle éclatait de rire, puis elle dit, tu vas te faire tuer. C'est pas moi qui mène. Pas moi qui décide. Ben, Mais c'est-à-dire ceux qui veulent faire que des alternatives, eux autres, ils ouais. pensent qu'ils mènent. Ouais, non, Ils je pensent que c'est comprends. leur ego Ils ont psychologique qui est l'impression dominé. de contrôler. C'est sûr que je ne te souhaite pas ta mort, là, naturellement. Mais en même temps, le point que je voulais faire, c'est que ça revient à dire qu'il y a comme un destin qui est au-delà du contrôle de l'ego. Ben oui, parce que, qu'on le veuille ou pas, les graves erreurs qui ont été commises dans le passé, ça a été commis par quelque chose qui n'était pas humain, qui jalouse l'humain. Puis lui, il avait un vrai libre-arbitre. Puis il est tombé, si on peut dire. Puis là, on est pogné avec sa mémoire. C'est comme, mettons, un gars super violent qui va finir par tuer sa conjointe parce qu'il est jaloux. Parce que dans sa tête, il se fait dire elle me trompe. Puis il peut pas se rendre compte que, dans le fond, il est en contact avec de quoi de bas, qu'il finit par avoir des pensées planétaires, si on peut dire. Lui, il est jaloux parce qu'il est jalousé par de quoi qu'il veut le détruire. Mais c'est pas une volonté au sens psychologique conscient comme nous, on l'entend. Puis c'est là que ça devient subtil. Pourquoi il était dit qu'il avait été donné à l'homme une intelligence semblable à celle des anges? C'est là on tombe dans des choses, là, c'est vraiment, là, tu sais, si tu regardes en arrière de ça, puis... Fait que, mais là, c'est parce que ça nous dépasse. Ça nous dépasse, mais c'est nous autres l'enjeu de ça. Oui. Puis Fait que... c'est ça, on cherche à faire croire à des êtres humains qui sont des lions en potentiel, qui sont des moutons. T'sais, on cherche à pervertir la nature de l'humain, puis à le faire passer pour un méchant pêcheur ou un méchant pollueur aujourd'hui avec Greta Thunberg. Toujours pour rapetisser l'être humain ou un méchant propagateur de coronavirus, il n'est pas à 2 mètres des autres, il ne porte pas le masque, il n'est pas vacciné, s'il n'a pas son passeport vaccinal. C'est qui dans le fond qui fait des menaces puis du chantage? C'est qui dans le fond qui se conduit d'une façon abominable avec les populations puis les enfants? C'est qui, dans le fond? Tu sais, je veux dire, ou les serviteurs de Tso, ceux qui sont, dans le fond, là, les esclaves de Tso font encore plus pitié que ceux qui le subissent, parce que eux autres, la dette, elle va être. Tu sais, c'est quoi l'affaire des lacs de feu? Imagine, là. C'est ça la vraie, vraie mort. Il n'y aura plus rien, là. Tu n'auras plus de mémoire, tu n'auras plus de conscience, tu n'auras plus aucun souvenir de même. Tu n'existeras plus, là, le néant. Tu sais, je veux dire, il n'y a même plus possibilité de. Non, non, maintenant, il va avoir un. Il va être là, ça va être le grand reset. Tu sais, le vrai. Oui, Mais là. ben dans le fond, Bernard de Montréal parlait de la destruction d'âme qui pouvait pas être corrigée. Donc, après plusieurs C'est ça. tentatives, s'il n'y a rien à faire, l'âme était dématérialisée. C'est pour ça qu'il y a moins du monde comme. Et puis. C'est que le niaiserie, là. Du monde Ils font comme, pitié. parce que j'ai perdu. Ben, Legault Ok, Dubé, oui. Anglade, avec les petites niaiseries, là. Ce monde-là, ils font pitié. On est supposé aimer les autres. Ça n'a jamais été spécifié qui, ni la couleur, sauf quand ça a été dit d'aimer ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont. S'il y a une possibilité de changer ce monde-là, faut quand même l'essayer pareil. C'est pour ça la parole. Oui. C'est important de parler. Parce que comme je dis, là, moi, c'est à ce niveau-là. Parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est vibratoire, puis. Exactement, c'est de manifester une vibration parce qu'en réalité, quelqu'un pourrait se présenter puis dire, ben, l'alternative à la gestion de crise au Québec, ça serait adopter le même comportement que l'État de la Floride aux États-Unis où il y a moins de mesures. Mais en réalité, ça change pas de taux vibratoire. Les populations des gens en Floride sont pas plus conscients à cause de qu'ils n'ont pas autant de mesures qu'au Québec. Tu sais, là, ça peut avoir l'air niaiseux, mais quand il y en a qui disent, oh, ce monde-là, là, qu'on chiale après, puis tu sais, tu vas avoir une petite vieille qui va dire, oh, ça donne rien des haïr, c'est mieux de prier pour eux. Pour le salut de Ben, leur âme. ça a l'air niaiseux, hein. Ça Ouais. a l'air con. Mais c'est pas si fou que ça, je veux dire, si tu regardes au-delà de la forme, c'est vraiment pas si fou que ça. Puis. Dans le fond, parce que pourquoi? Parce qu'on émet des ondes, on en reçoit, on baigne tous dans la même planète, dans le même Oui, bien, dans le même environnement. champ quantique, les physiciens C'est quantiques ça. parlent de l'existence d'un champ quantique qui interrelie chaque individu. C'est pour ça, moi, que j'ai jamais refusé les prières de personne. Puis je me suis jamais choqué contre quelqu'un qui me dit, oh, je vais prier pour toi. Puis je me suis jamais choqué non plus contre le monde qui dit, oh, moi, j'ai la foi. Puis c'est tout correct. Puis jamais je vais refuser la vraie bonne volonté, puis ou bien l'amour de quelqu'un. Parce que c'est là maintenant qu'on reconnaît qu'est-ce qui est corrompu jusqu'à moelle, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que c'est un peu comme, tu sais, il y a des magnétiseurs, il y en a qui disent, oh, je vais prier pour vous. Puis là, non, non, faites pas ça, gnagnan. Pourquoi? Pourquoi refuser? On parle de quoi? Tu sais, c'est là qu'à un moment donné, il va falloir se rendre compte que, ben. On se bat toutes contre les mêmes affaires. Puis, en tout cas, tu sais, je m'en fous là, de maintenant juste de ce que le monde pense. Parce que c'est pas important ce que le monde pense, c'est que ce que le monde sente, puis c'est ce que le monde voit. Exactement. De toute Parce que ce façon, qu'ils peu pensent, c'est pas importe. réel. Ça vient pas d'eux autres. Ben c'est ça que j'allais dire. De toute Tu sais, façon aussi. Ouais. pourquoi qu'on dessine le diable sur des cartes avec des ailes? Parce qu'il est dans l'air. Parce que c'est ça qui, je veux dire, c'est de la corruption par des pensées qui viennent pas de nous autres. C'est ça un esprit de corruption. Bon, ben, si c'est là qui est le combat. Oui, En tout cas. exactement. Je comprends l'essentiel de ce que tu dis. Je vais proposer qu'on conclue l'enregistrement. Donc, en terminant l'enregistrement, en cette ère où ce qu'on est sur le point de rentrer là, au Québec, là, à grands pas, dans l'ère du passeport liberté, faites-moi rire en trois volumes, là, en guillemets, comme le masque était notre nouvelle liberté, comme disait François Legault, avec le langage orwellien où ce que tu dis que la faiblesse, c'est la force. Puis la guerre, c'est la paix, la masse, c'est la Ouais. liberté. C'est comme j'avais dit, tu polarises, après t'inverses, puis bah. Mais ça, ces techniques-là, c'est peu de choses. C'est des petites bébelles, ça marche peut-être avec certaines personnes, puis toutes, mais il y a une partie de la population que ça fonctionnera jamais. Ça fonctionnera jamais, puis ça prend juste une petite masse critique, comme on en a souvent parlé. Ce serait mon mot de la fin. OK. Puis sinon, ben, je trouvais ça intéressant ce que tu mentionnais tantôt, que présentement, ça peut être une période propice de se libérer des dépendances, parce que le contexte qui tend à créer du stress ou nous mettre à bout peut nous amener à vouloir justement consommer plus de drogue pour nous détendre, etc., ou d'alcool. Puis c'est vraiment, ça c'est comme vivre à crédit, au sens de l'énergie. Donc, l'essentiel, c'est de rester centrique en dépit de ce qui se passe. C'est ça. Tu sais, moi je vois pas d'autre chose que justement rester alerte en santé, puis sain, vivre sainement. Excellent. Donc, sur ces paroles, on va terminer l'entretien d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, ben, je te remercie là, du temps que tu as consacré Merci. généreusement là, pour cet entretien. Et puis, je veux rappeler aux gens qui nous écoutent que si vous voulez entendre davantage Berthold, vous allez pouvoir, comme mentionné précédemment en début d'entretien, retrouver le lien de sa chaîne YouTube, celle qui s'est créée récemment en bas de l'enregistrement. Sinon, si vous voulez écouter d'anciennes vidéos de Berthold, il y en a plusieurs sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a fait d'ailleurs une chaîne là, en hommage à Berthold là, qui regroupe plusieurs de ses vidéos. Vous avez moi-même sur ma chaîne là, plusieurs de ses anciennes vidéos aussi que vous pouvez retrouver. Et puis, sinon, je veux vous mentionner que vous pouvez me retrouver en plus de sur YouTube, sur Odyssey. Ben d'ailleurs, si vous m'écoutez présentement, c'est parce que vous êtes sur Odyssey, hein, parce que vous êtes dans la deuxième portion de l'entretien qui se visait à rejoindre un public là, qui va aller sur cette chaîne web. C'est sûr que si un jour ma chaîne YouTube est fermée, à ce moment-là, ben je vais continuer mes activités là, sur Odyssey. On ne sait pas comment que les choses vont tourner dans les prochaines semaines, les prochains mois. Sachant qu'il y a plusieurs personnes que leur chaîne YouTube là, a été fermée, que ce soit Alexis Cossette Trudel, Jean-Jacques Crèvetard, plusieurs lanceurs d'alerte. Donc, on verra bien qu'est-ce qui arrivera. Et je vous remercie donc de votre écoute. Comme à l'habitude, je vous dis à bientôt. Au revoir, Berthold. Parfois.